Bonsoir. Bonsoir. On peut commencer. On commence. Tenons notre bol, on va prier. Parlez-lui vous-même. Parlez-lui vous-même, par vos propres mots. Parlez-lui. Parlez-lui. Tant de Père, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Merci pour cet autre jour que tu nous as accordé. Merci pour ta grâce, pour ta bienveillance, pour ta magnificence et pour ce climat calme que tu nous as donné pour pouvoir travailler. Merci Père de gloire pour ta gloire dans nos vies. Merci pour ton regard favorable dans nos vies. Merci Père de gloire parce que c'est toi qui dis et la chose s'accomplit. Merci Père pour ta puissance dans nos vies. Merci pour ta main. Merci de nous avoir accordé la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. Nous te soumettons cette soirée. Nous soumettons toutes les articulations et tout ce qui va se passer, Père, pour ta gloire et pour ta gloire seule. Sanctifie nos cœurs et dirige-nous vers toi toujours, afin que nous sortions, Père de gloire, bien sanctifiés, marchant dans la voie de ta parole au nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont dehors, entrez. Si vous avez chaud, venez qu'on ait chaud ensemble ici. Bon, non, dans ce cas, saluez-vous donc les uns les autres, les unes les autres. Saluez-vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous voyez qu'on a assez de temps maintenant, on peut bien travailler, n'est-ce pas? Comme ça, on va travailler, on pourra vite finir. Saluez-vous les uns les autres, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, ma soeur. Ça va? Tu as bien dormi? Très, très bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma chère. Tu aimes la position là parce qu'il y a de l'air là-bas, non? Ça va? Il aime là où il va s'asseoir, il va dormir. Que le Seigneur te bénisse, mon cher. Que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on prend un sujet. Si vous avez des questions. Oui. Oui, dans le livre de Jean, au chapitre 8, quand Dieu qui avait cru, vu qu'il n'a fait savoir que si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Oui. Parlant de ces œuvres, est-ce qu'on peut avoir quelques unes des œuvres dans Jésus qui faisait allusion? Donc, quand tu as lu ça, tu as pensé qu'il faisait allusion à quoi? Allusion. Bon, j'ai essayé de chercher les œuvres. Bon, j'essaie d'aller dans Jacques. Il disait que la foi, il ne sait pas les œuvres. Bon, là, ça parle de sortir d'Isaac. Bon, je ne sais vraiment pas de. Bon, j'ai essayé de voir quelles œuvres. Donc, Jésus ment, alors c'est mort. Non, non, non, il ne ment pas, mais je n'ai pas trouvé ça dans Isaac. Donc, toi, un grand enseignant de la Bible, comme tu es comme ça, diplômé de l'école de théologie. Tu ne connais pas les œuvres d'Abraham. Bon, dans le vote 11, je vois son parcours. Comme oui. Il quitte des Chaldées, puisque l'avant fait état de laisser parti. Bon, comme dans le 11, ce n'est pas la fois qu'Abraham a sa vocation obéit et parti. Ce n'est pas la fois qu'il vient s'établir dans. Mais là, on parle de la foi. Mais là, on a parlé des œuvres. Des œuvres de quoi? Ça peut être des œuvres de la foi. Hein? Les œuvres de la foi. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on parle qu'on dit que sa foi a produit les œuvres. Dans la continuation, il a dit que il lui a dit la vérité, c'est ce dont leur père Abraham ne leur a pas dit, n'est-ce pas? Oui. Quelle vérité il leur a dit? Quel style d'œuvre Abraham produit et qu'est-ce qui produit cette œuvre-là? Produit les œuvres de la justice. Comme quoi, par exemple? En fait, le fait de croire à celui qui suit, en fait, comme il a cru à Dieu, c'est déjà quelque chose de... Quand il a cru, il est resté comme ça? Non. Il a cru, il a fait comment? Il a cru, il a obéi. Obéissant, en obéissant, il a fait comment? Il a manifesté à l'extérieur. N'est-ce pas, cette manifestation à l'extérieur, c'est quoi? Puisque la Bible déclare que ces gens que tu as dit là avaient cru au Seigneur. Mais l'œuvre qu'il veut faire à dehors, il veut faire exactement ce qu'Abraham avait fait. Parce qu'Abraham voulait tuer son fils, n'est-ce pas, frère? Abraham voulait tuer son fils. C'est pas ce que toi-même tu as dit. Abraham voulait tuer son fils, mais c'est Dieu qui avait demandé. Après, c'était une épreuve. Mais Dieu aussi a demandé qu'on tue Jésus, non? Tu ne voulais pas donc qu'il tue Jésus? Attends, on va régler ce problème-ci. Quand Abraham a cru, la foi qu'il a manifestée, c'est de faire quoi? Des sacrifices. Quand ceux-ci ont cru au Seigneur Jésus, il voulait aussi faire quoi de lui? Il voulait les tuer. C'est pas une bonne chose. Mais pourquoi dans le repos que Jésus a dit que vous voulez me tuer? Non, il pose la question, est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose. Mais on a dit que c'est une bonne chose pour nous parce que par sa mort, nous avons été justifiés. Bon, il fallait quand même que quelqu'un tue. Oui. Bon, eux, ils faisaient du bien. Okay. Oui. Puisque je n'ai pas compris, le fait qu'il voulait tuer, donc c'était pas bien. Ok, dans ce cas, il fallait pas qu'il tue alors. Peut-être pas eux, mais quelqu'un d'autre qui devait faire ça. Mais c'est à quelqu'un d'autre, il devrait dire la même chose. Hein, mon cher? Faudrait-il que tu. Puisque tu as dit, Abraham crut à Dieu et il a manifesté par les œuvres. Il dit quelle œuvre? Tu as dit qu'en voulant tuer son fils Isaac. Et c'est le type même de Christ. Ceux-ci aussi croient au Seigneur Jésus-Christ. Il veut tuer Jésus qui discute avec eux. Il ne devait pas tuer. Mais puisque. Qui devait les tuer? Mais quel est un reproche qui leur a adressé que mais. Quelle est la reproche? Il dit, mais vous voulez me faire mourir. Oui. Il dit que toi, nous avons bien dit que tu as un démon qui veut être tué, n'est-ce pas? Et ils ont fini par le tuer. Oui, devrait-il pas le tuer? Mais le bon est qu'ils ont fait les conséquences. Parce qu'avec Pierre, les conséquences. Non, laisse d'abord sur les conséquences. Restons sur l'acte là. Devrait-il le tuer, oui ou non? Il devrait le tuer. Mais pourquoi juste que je leur fais les conséquences, leur fais les reproches que. Ils veulent le. Toi, vous. Là, c'est si vous étiez enfant d'Abraham, vous devez faire les Abraham. Or, la foi d'Abraham a produit le sacrifice d'Isaac. Et leur foi également a aussi produit le sacrifice du grand Isaac. De quoi le Seigneur Jésus est en train de leur parler au juste? Quelle est la reproche qu'il est en train de leur faire? Il est en train de faire la reproche qu'ils sont des races de vipères et ils sont venus se glisser au peuple d'Abraham. C'est ça qu'il est en train de leur faire, mon cher. D'accord? Tu as bien suivi, frère? Il est en train de leur faire la reproche qu'ils sont des races de vipères et ils sont glissés dans la descendance d'Abraham. C'est ça la reproche en réalité. Parce que normalement pour mourir, c'est normal qu'il meure. Il fallait qu'il meure et c'est pour cela qu'il est venu justement. Des questions? Oui, prenons Papa So. Il n'y a pas Ézéchiel aujourd'hui pour venir dire aujourd'hui que tu allais jouer la vie à Limbé. Je vais dire un passage. Oui. Romains chapitre 8, à partir du verset 16. Romains 8, 16. À partir du verset 16. Permets que les gens trouvent d'abord. C'est impossible que quelqu'un de la serpent produise les œuvres d'Abraham. Impossible. Tu vois ça, frère? Oui, tout le monde y est. Allons-y. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Oui. Si toutefois nous souffrons avec lui, oui. Afin d'être glorifiés avec lui. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui. Je vais m'arrêter. Ma question c'est au verset 19. Oui. Lorsque la Elle dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui. De quoi exactement la Bible, le Saint-Esprit parle? Bonne question. J'aime ce style de question. Et j'aime la façon que la question est posée. De quoi est-ce que le Saint-Esprit parle? Dans la suite du développement, le Saint-Esprit justement explique ce qu'il a en train de dire. Il dit qu'en fait, le monde, la création tout entière a été soumise à la vanité. Continue. La création tout car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré. Non de son gré. Oui. Mais à cause de celui qui l'y a soumis. Oui. Avec l'espérance. Avec l'espérance qu'elle aura. Qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Oui. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. En fait, le développement du verset 20 et 21 nous montre clairement de quoi on est en train de parler là-bas. Avant de continuer dans le développement, vous allez voir que s'il y a un verset, justement, c'est pour ça que j'ai dit j'aime la façon dont il a posé la question et la façon dont il pose la question en disant qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire ici. La compréhension de ce que le Saint-Esprit vient de dire ici va mettre en déroute tout ce qu'on puisse faire aujourd'hui. Vous allez entendre maintenant des gens qui parlent à la radio et tout ce genre de développement, même les partis politiques dits chrétiens, on crée avec ces versets qu'on parle. Il y a des gens qui pensent qu'il faut entrer dans la politique pour influencer, parce que comme le proverbe le dit, c'est la justice qui élève une nation. Et on dit, ok, comment donc faire pour que la justice élève une nation? On dit, ok, il faut que les gens qui ont été justifiés, comme dans le Seigneur Jésus-Christ, influencent, entrent dans les sphères politiques. On occupe toutes les tentacules des sphères politiques, que ce soit sur la politique, le sport et au-delà, qu'on soit parfait et qu'on y entre. Et puis là, maintenant, la justice va élever la nation. Ce n'est pas de cette façon-là, c'est parce que la Bible en parle. Et ici, donc, s'il y a un verset donc bien tordu par les gens de la nouvelle doctrine venant des États-Unis, ce qu'on appelle le Kingdom Now, ou bien la j'espère que les téléphones que vous me donnez là sont coupés des choses. Vous voyez, vous laissez, si ça va sonner. Donc, quand vous voulez donner pour l'enregistrer, vous enlevez, vous mettez en mode avion, comme ça ne sonne pas, que les téléphones ne sonnent pas. Donc, je t'en ai dit, dans le Romains chapitre 8, le verset 19, les gens utilisent, c'est développé à partir des États-Unis. C'est-à-dire que Dieu est descendu aux États-Unis, il a donné les révélations de ces versets-là là-bas. Au point maintenant, on utilise ça maintenant à tort et à travers. La Bible déclare dans ce verset 19, donc, que la création tout entière et ces mots, ce groupe de mots là devrait être suffisant pour mettre hors d'état de nuit toutes ces personnes. On n'a pas dit que la nation tout entière, on dit la création tout entière. Là on parle de la création. Remarquez très attentivement que les arbres meurent, les feuilles deviennent vertes, à un moment donné ça devient jaune, les fleurs produisent, après elles tombent. On dit que ces choses que vous observez là, ils sont des soupirs comme ça devant Dieu pour que ça cesse. C'est ce que le verset nous dit. C'est-à-dire, quand vous voyez le goyavier, un temps vous allez voir, la saison sèche est en train de se pointer à l'horizon, vous allez voir que les herbes vont devenir sèches. Après, quand il y aura les premières pluies, ça va aussi devenir un peu vert, petit à petit, la verdure va venir. Ce renouvellement qui se passe chaque fois, les morts, les feuilles qui tombent haut de là-bas, vous voyez comment le sol est sèche. Il est tellement sec que même il y a des gens qui sont dans le nord, dans les pays nordiques, qui ont les pieds fendiers, les lèvres sont fendiers. Toutes ces choses-là sont le signe qu'on est dans la corruption. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique ici. Et le Saint-Esprit donc dit que, en fait, ce n'est pas nous seulement qui souffrons. Quand vous passez dans le soleil, la façon que le soleil fait sur vous, vous comprenez que non, ce n'est pas bon de vivre ici-bas. Parce que normalement, le soleil ne frappe pas les gens comme ça. Et vous voyez donc que la Bible déclare que Dieu prend toutes ces choses-là pour marquer les temps et les saisons et il les oriente selon son dessein. Ils obéissent au gré de son dessein sur la terre. Quand il va vouloir que le soleil va chauffer sur la terre, ça va chauffer. Quand il va vouloir que la glace, le froid monte, ça va monter. Vous voyez, donc maintenant les gens prennent ces versets-ci pour aller dans la politique en disant qu'il faut qu'on entre dans la politique pour influencer. Et en entrant dans la politique, justement, le verset ne parle nullement de cela parce qu'on parle de la délivrance totale de tout ce qui va se passer dans l'humanité. Vous voyez, je dis, c'est la délivrance totale de tout ce qui a vie sur la terre et dans l'univers. C'est de ça dont il y a question là-bas. Parce que la Bible déclare que la création tout entière, regardez très attentivement que la création n'est pas seulement sur la terre. Même les étoiles finissent par disparaître, n'est-ce pas? Alors, quand cette disparition montre clairement que, comme on dit en anglais, every living thing dies. Tout ce qui a vie finit par mourir. Parce qu'il y a un cycle sur la terre qui a été institué à partir de la déchéance de l'homme. Et donc, maintenant, le péché donc a traversé non seulement la terre, mais a touché tout l'univers. Au point où le Seigneur Jésus-Christ devrait traverser même tout l'univers avec son sang pour aller jusqu'à devant le trône pour verser là-dedans. Vous savez, il est allé aussi verser le sang partout là-bas, n'est-ce pas, frères et sœurs? Vous savez ça, n'est-ce pas? Que le Seigneur allait au ciel avec son sang. Pourquoi donc fallait-il que ça soit sanctifié? Parce qu'on dit qu'il fallait que les objets célestes aussi soient sanctifiés, comme le sont les choses à l'homme. Donc, en réalité, lorsqu'on utilise ce verset, c'est en disant qu'il faut qu'on entre dans la politique, que c'est en entrant dans la politique, si on est présent dans la République. Vous êtes président de la République. Vous n'allez pas faire. Enfin, tous les présidents de la République dans tous les pays qui ont été chrétiens, ils ont quitté le pouvoir, laissé la constitution telle que c'est écrit. Et bien plus encore, quand ils sont présidents, après ils quittent leur pays, entrent encore davantage dans l'homosexualité, dans les dérives. Qu'est-ce qui est le problème? Jésus a donné une phrase: mon royaume n'est pas de ce monde. Vous ne pouvez pas battre cette phrase-là. Son royaume n'est pas de ce monde. Il va bientôt prendre possession du royaume. Son royaume à lui ne peut pas être incorporé dans le quatrième royaume. Ce n'est pas possible. Dans la vision de Daniel chapitre 2, si vous lisez Daniel chapitre 2, lorsque cette pierre-là est sortie, poum, frapper cette statue-là, vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? La Bible déclare que lorsque l'ange expliquait à Nebuchadnezzar, il dit que la pierre que tu as vue détachée sans le secours d'un homme qui a frappé la statuette et qui est devenue une grande montagne, c'est un quoi? Un cinquième royaume, n'est-ce pas? Amen. Qui va être suscité du temps du quatrième royaume, qui va briser le royaume, c'est-à-dire tout le royaume fait des mains d'hommes sera brisé. Quel que soit le capitalisme, le communisme, la démocratie et monarchie, tout ça, ça sera anéanti. Parce qu'aucune de ces choses-là n'amène la solution à l'homme, mais plutôt pervertit les voies de Dieu. Tout cela, que ce soit le capitalisme, enfin, regardez là où nous sommes maintenant. Ce que vous appelez démocratie, c'est eux, c'est ceux qui définissent démocratie, c'est quand c'est bien chez eux. Ils peuvent définir quoi, les relations internationales selon leur contexte à eux. Parler de la souveraineté de leur territoire lorsque ça les engage. Lorsque le pays des tiers sont menacés, s'il n'y a pas de l'or, de l'argent, de pétrole, ben ils ne partent pas. Mais là où il y a les intérêts, ils partent là-bas, ils partent détrôner quelqu'un sur le trône. Quand vous entrez au pouvoir par les armes, si vous êtes un de leurs alliés, ils ne parlent pas. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Dans un autre endroit, si quelqu'un se lève dans leur pays pour dire quelque chose contre eux, ils les appellent terroristes. Ces mêmes personnes-là, ils les suscitent dans d'autres pays pour qu'ils puissent défier celui qui est au pouvoir. Là, on appelle maintenant que c'est quoi? C'est le conseil de transition. Ils trouvent un autre mot. Un autre mot plus bien que rebelle, plus bien que terroriste. Est-ce qu'il en est? Priez pour le Cameroun, pour le soulèvement. Un autre soulèvement qui va prendre toutes les villes. Priez pour le Cameroun, le soulèvement qui va prendre, cette fois-ci, je vois les gens comme boucliers humains. Priez pour le Cameroun. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive dans ce pays? Priez pour le Cameroun. Vous savez, un des jours, je vous avais dit ici que ce n'est pas une chose. C'est un peu comme il y a des spots de part et d'autre. De ce côté, c'est des spots qui va faire boum, ça explose ici. Ça explose là. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc, priez pour le Cameroun. Je vois ça, c'est le soulèvement. Comme si les gens sont appelés à manifester. Et ce type d'appel à manifester brave l'autorité. C'est au cas où, c'est au niveau où on dit que, ok, vous allez tirer. On va continuer. Donc, priez pour ceci. Je vous avais dit ici que j'ai vu un endroit où, comme si d'entraînement, on a pris des gens et puis on a donné un style portable, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on organise ces choses, vous voyez, ceux qui parlent de démocratie, quand ils organisent ces choses-là, dans leur côté, c'est la démocratie. Quand vous challengez la démocratie, on va parler de la guérilla, on va parler des terroristes, on entend la guérilla. Mais quand c'est dans leur pays, au étranger, que c'est eux qui organisent. Vous voyez, les rebelles sont organisés très bien. Dans un pays bien démocratiquement élu, bien souverain, vous voyez un groupe rebelle ayant les chars. Les rebelles fabriquent les chars, frère. On fabrique les chars en Afrique avec des grandes tenues, des grandes armes, plus sophistiquées, plus que celles de l'armée régulière. Après, c'est tiens là-bas, il dit que non, nous ne sommes pas contents de ce que les rebelles font. Nous condamnons ces actes fédérés. Il dit que tu vends l'arme à combien? On te donne. Tue-le. De ce côté, ce sont les conseillers militaires de l'État. De l'autre côté, ils sont de combattre. Donc voilà là où on en est. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'en réalité, aucune solution humainement possible n'est pas. Enfin, c'est pas possible. Même si tout le monde entier était calme, il y aura le problème de la mort. Tu vas devoir perdre quelqu'un que tu aimes. Tu vas devoir perdre quelqu'un que tu aimes. Ça va poser le problème. Et quand tu vas perdre quelqu'un que tu aimes, tu vas demander à quoi sert cette vie. Tu vas arriver maintenant à la conclusion que le verset 20 dit non de son gré, mais c'est lui qui a soumis. Il a soumis à quoi? À la vanité. Donc en fait, même si vous faites n'importe quoi sur la terre, il y a une chose que Dieu a soumise sous la terre. Tout est vanité. Donc ça veut dire qu'on court comme ça derrière le vent. Rien ne marchera. En clair donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc l'introduction d'un royaume qui est éternel. Et c'est l'introduction d'un royaume qui est éternel dont l'apôtre Paul développe là-bas. Il dit que la création donc espère avoir part à la gloire lorsque les fils de Dieu. Ça veut dire que tant que... Ah mon Dieu, est-ce que vous comprenez que la rédemption de la création dépend de nos frères? C'est la rédemption de la création, c'est-à-dire que quand les gens ne regardez pas les gens avec les bons, les grands immeubles, ne regardez pas cela, ne regardez pas les gens avec les grosses voitures, ne regardez pas cela. Leur vie et leur vanité dépendent de nous. Qu'ils soient délivrés, ça dépend de nous. Vous comprenez cela, hein? C'est vrai, on dit qu'en fait, si Christ entre en garçon, souvenez-vous de Apocalypse chapitre 11, si vous lisez le verset 15, il dit que lorsque le septième an sonna de la trompette, quand le septième an sonna de la trompette, une voix se fit entendre maintenant en disant quoi? Que maintenant le royaume du monde est remis. Ouvrez cela, Apocalypse. Apocalypse chapitre 11. La sœur ici a déjà souligné sa Bible partout parce que si elle devrait être une. Si les femmes étaient pastrices, c'est qu'elle devait être assistante évangélisatrice. Apocalypse chapitre. Frère de Nancy, ça va? Chapitre 11. Verset 15, qu'est-ce que ça dit? Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adoraient Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui sera, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Stop. Vous avez entendu? Maintenant, vous allez voir maintenant au milieu chrétien, les gens disent que maintenant on règne maintenant. Ça n'a pas de sens. On dit que c'est quand le sept ange va sonner la trompette que la voix va dire: maintenant le royaume de quoi? Du monde est remis à Christ. Lui seul sera roi. Et à partir de cet instant-là, personne ne sera plus roi. Il n'y a plus de vote démocratique, il n'y a plus de parti politique qui va nous déranger sur la terre. Il n'y aura plus de motos, de bensikines qui vont rouler avec les effigies des présidents quelque part là-bas. Jamais. Il n'y aura plus ça. Pim, pim, pim, pim, pim, pim. Même ces propres personnes qu'on va envoyer arrêter demain pour leurs motos. On les flagrant, on leur donne 1000 francs. Ils portent les tricots pour aller faire les bruits. Et le lendemain, quand on va finir de voter, c'est eux qui leur disent qu'il faut que les bensikines ne traversent plus tel territoire. Eux-mêmes ne comprennent pas. On est embrouillé dans la vanité. Dans la Bible déclare ici là qu'il y a un autre royaume qui va entrer en action. C'est le royaume de Christ ne peut pas régner. En fait, Christ ne peut pas introduire son règne dans le règne de Satan. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il ne partage pas sa gloire avec personne. Quand il va, son règne n'a pas de partage, ça n'a pas de fin. Donc, il laisse Satan faire son soubresaut maintenant. Satan a essayé le gouvernement n'importe comment, ça n'a pas marché. Et imiter ce qui est aussi, ça n'a pas marché. Parce que le détenteur de la vie éternelle a remis la vanité sur toute la création. Même la vanité le touche aussi, parce qu'il est limité. Vous comprenez ça, frère? Amen. Voilà. Donc, la création tout entière attend avec Nadan désir la manifestation et la révélation des fils, révéler le fils. Et vous comprenez même que ça n'a même pas de sens que les prédicateurs puissent utiliser ça ainsi. Il dit bien les prédicateurs modernes. Quand il dit, ils attendent la révélation des fils. Et il dit que nous, okay, entrons dans la politique pour montrer que Christ est le roi. On dit que c'est la révélation qu'il faut. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché. Quelque chose qui, subitement, ça sera ouvert. Quand on dit que quelque chose est caché, ça doit être révélé. Ça se pense que c'est caché. Alors, il faut que ça soit ouvert. Va! Et pourquoi on voit maintenant, ça entre en action. Eux, ils disent qu'il faut qu'ils partent le faire. La révélation, ce n'est pas les hommes qui donnent la révélation. En ce qui concerne la Bible, c'est Christ qui doit se révéler. Amen. Il doit révéler ce qu'il en est. Donc, la révélation ici, il s'agit du temps de la rédemption de toutes choses. Et donc, allons au chapitre 21 d'Apocalypse, là. Chapitre 21. Écoutez très attentivement. Lorsque vous avez Apocalypse chapitre 21, je vais citer encore un autre livre. Si vous prenez le livre de 2 Pierre chapitre 3 et Ésaïe au chapitre 66 parallèlement, vous allez voir comment l'apôtre Pierre dit effectivement: oh mon Dieu, c'est merveilleux tout cela. Il dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 3 et le livre d'Ésaïe au chapitre 66, l'apôtre Pierre en fait cite le prophète Ésaïe en disant que toutes les choses que nous voyons là bientôt va passer par le feu, n'est-ce pas? Il dit que nous attendons. Regardez les prédicateurs de la Bible face à le prédicateur d'aujourd'hui. Le prédicateur de la Bible dit que nous attendons selon sa promesse. Donc Dieu a fait une promesse: des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Les prédicateurs de cette époque se disent: il faut qu'on influence cet état-ci pour que la justice habite. Deux styles de prédication différents. Nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, aucune justice de Dieu ne peut habiter sur cette, dans ce royaume. Ce n'est pas possible. Parce que les états, la Bible révèle dans le livre de Deutéronome chapitre, enfin, Daniel chapitre 2 dont j'étais là-bas par rapport à ces visions-là, que le royaume de la fin, avant que Christ ne vienne briser cela, le vrai problème de ces royaumes-là, c'est que c'est en alliance. Ils forment des alliances, en partie fort, en partie faible. Ça veut dire que maintenant, tu touches un royaume, tu touches un autre royaume, parce qu'il y a des alliés. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, vous pouvez voir donc que les petits états attaquent les grands états. Les grands états n'osent pas parler parce qu'ils savent que s'ils tapent derrière, il y a un fort qui va s'élever. Parce qu'il y a ses intérêts. Alors, l'Iran peut se lier avec la Chine, avec la Russie. Comme les États-Unis ont peur de la Russie, s'ils frappent l'Iran, les Russes n'attendent que ça. Ils tapent seulement le pied au sol. Attends, on va t'essayer notre bois sol et son sol. Et même ils savent. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que le Cameroun fait? Le Cameroun, plus rusé que le diable, a fait quoi? Il prend un peu, il donne à la Russie, un peu, il donne aux États-Unis, un peu, il donne à la France, un peu, il donne à la Chine. La France dit, les États-Unis, tais-toi. La Chine dit, la Russie dit, toi aussi. Donc, c'est quand ça va péter. Donc, c'est un melting pot ici, c'est un mélange. Où chacun a son intérêt. S'il y a un tronçon de 4 km de route, il dit que France, prends 1 km. Tu habites ici, ça n'a pas fini. Chinois continue. La Chine continue, après la Russie continue de ce côté là-bas. C'est quel style de route on a là maintenant? Vous voyez? Ça, c'est la ruse. Il faut que Dieu nous donne un bon antichrist. Amen. Il faut que Dieu, c'est la solution, c'est que Dieu nous donne un bon antichrist. C'est un antichrist qui viendra, mais un bon quand même. Il faut que Dieu nous donne un bon antichrist. Donc, priez pour le soulèvement. Le soulèvement. Le soulèvement. Le soulèvement. Le soulèvement. Donc il y a la grogne. Ça n'est de gronder. Il y a la grogne. Il y a la grogne en préparation au Cameroun. Ça n'est fait. Il y a la grogne. Il y a la grogne. Soulèvement. Vous voyez, les gens marchent avec cette écriture là-dessus. Ils écrivent ceci. Non, c'est N-O-N là aussi. Non, non. La suite, je ne dis pas. Non. Donc, sur une écriture, on procède. Non. N-O-N. Non. Et puis la suite. Ça, c'est pour défier l'autorité de la place. Alors, lorsque la Bible déclare donc que lorsque on va sonner la trompette, la dernière trompette, le royaume de ce monde sera remis au Seigneur, ça montre donc que le royaume de ce monde ce n'est pas entre ses mains. C'est aussi évident que possible, n'est-ce pas? Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, la Bible déclare que nous savons que nous sommes des dieux et le monde actuel est sous la puissance du malin. Un chrétien dit, il faut qu'on entre là-dedans, jusqu'à être devant les rois de ce monde. Il dit, mais tu es roi dans quel royaume? Il dit, moi, si Jésus, il dit oui. Il dit, non, mon royaume n'est pas lui. Ici, les gens viennent aussi que nous venons. Non, tu viens au nom de qui? De Jésus. Il dit que mais tu, non, nous régnons ici. Tu demandes que ton royaume c'est où? Vous voyez là où son royaume se trouve? C'est son église qu'il a construit. Comme il ne peut pas entrer dans le palais, il fait les estrades là-bas, il met les tapis rouges là-bas. Donc, le moment où il s'élève avec son peuple, c'est le dimanche. Quand vous êtes nombreux là-bas, il s'assoit là-bas avec sa femme, comme Paul Bia, Chanta Bia. Voilà son royaume là-bas. Bêtise. Jésus, lui, devant Pilate, on dit, tu es qui? Es-tu le roi de Juifs? Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Les chrétiens, ceux qui se disent qu'ils le suivent, viennent dire que non, et ils règnent. Et ils viennent même se confronter au roi païen. Que ce n'est pas seulement les rois qui doivent marcher avec le garde du corps. Ce n'est pas seulement les rois païens qui doivent marcher. On va leur ouvrir la porte. Ce n'est pas seulement les rois païens qui doivent marcher dans la climatisation. N'est-ce pas, frère? Le fils de l'homme qui donne le royaume n'est pas ici, dit que le fils de l'homme n'a pas où déposer la tête. Donc ils sont plus forts maintenant que Jésus. Alors il peut prendre ce verset s'il peut, il vient tort. Or, le verset dit, la création tout entière attend avec un Adam. La création, on ne parle pas seulement des êtres humains. C'est-à-dire que la plante attend qu'on le délivre de cette chose, de ce processus de mort et vie. Il est fatigué de cela. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Mais la Bible déclare que c'est Dieu qui a soumis cela à la vanité. Parce qu'il a dit, tout sous le soleil a un temps. Quand il a placé les luminaires dans le ciel, il a dit, c'est fait pour marquer le temps. Il a mis la vanité. À cet instant, il a mis la vanité dans toute la culture. Il dit bien, dans Genèse chapitre 1, sous les versets 11 à 16, lorsqu'il a placé les grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. À cet instant, il a installé la vanité dans tout l'univers. Après, il a donné la sagesse à Salomon pour lui dire, dis-leur qu'il ne se fatigue pas. Tout sous le soleil, c'est vanité. Tu vois la plus belle famille, je suis belle. Regardez, qui a rendu le président américain fou avec son frère, le ministre de justice. Elle se trouve où aujourd'hui? Quand elle chantait seulement comme ça, le président de la République bougeait le cravate. Tu dis que tu veux être belle aujourd'hui. Après cela, pour te montrer que c'est la vanité, Dieu a réduit toute ta beauté pour que ce soit l'asticot qui mange ça. L'asticot. Pointe quelqu'un. Que ta beauté est vaine. Et c'est une fonction décroissante. Extrêmement décroissante du temps. D'autres disent que je vais croquer la vie. Vous avez la mordu la vie une seule fois. Hein? Vous avez la blessé la vie avec un coup de dent. Pointe quelqu'un encore. Dit, as-tu déjà mordu la vie? Tu l'as déjà blessé. Mais tu donnes des coups de fouet. Des coups de bosse. Chaque jour. Donc, c'est ce que la vie nous fait. Mais quand on sort, on croit qu'on a envie de jouer la vie. On dit qu'on peut pas jouer la vie. Vous voyez une jeune fille sur la montée, elle dit pas jouer la vie. Prah! Elle s'est terminée sur WhatsApp. Le camion a écrasé. Vous voyez les cuisses dehors. Le sang en train de couler. Elle a joué la vie. Vanité des vanités. Toute personne qui entre dans ce sphère-ci doit se préparer à sortir. C'est pour ça qu'Ecclésiaste, après avoir fait tous ces embrouilles, il a conclu là. Il dit du moins, si on commence à écrire seulement les richesses ici, ça doit ça même fatiguer le corps. Parce que beaucoup de tu sont même fatigués de corps. Qu'est-ce que tout homme doit faire? Tout homme doit craindre Dieu. Parce que Dieu va amener toute œuvre en jugement. Et ce qui est ce qui est fait en bien, en mal, il va amener en jugement. Donc, voilà la conclusion. Donc, tout est vanité. En conclusion, crains Dieu. Et donc là, les gens viennent nous envoyer tout dans la vanité. Donc, la Bible déclare, la création tout entière désire qu'on fasse ce que Dieu a demandé demander pour qu'il vienne nous délivrer avec eux. Les chrétiens, eux, lisent là, ils disent que entrons encore dans la vanité pour la gloire des hommes. Chapitre 21 de l'Apocalypse, verset 4 suivant. C'est ce qu'il vous a demandé, non? Donc j'ai dit, vous notez 2 Pierre chapitre 3, Apocalypse, enfin, et c'est Éphésiens chapitre 6 en parallèle. C'est ça, non? Et là, l'apôtre Pierre, Ésaïe chapitre 66. J'ai dit Ésaïe chapitre 66 et 2 Pierre chapitre 3. L'apôtre Pierre, c'est pour ça que chaque fois, regardez cette chose-ci, la façon des premiers chrétiens de parler et ce qu'ils pensaient et ce qu'ils vivaient, à ce que nous avons aujourd'hui au milieu chrétien, dit les chrétiens des vanités. Les chrétiens d'aujourd'hui disent seulement qu'il faut. Le but, c'est de challenger, d'être ministre. Quand on dit il est ministre de culte, le ministre dans sa tête d'aujourd'hui là, n'est pas le ministre dont la Bible parle. Parce que ministre, lui, ça veut dire que si le ministre de l'éducation nationale se tient ici, il est lui à l'égalité avec lui. C'est ce que les pasteurs d'aujourd'hui font. Oui, on interroge un pasteur, il dit que non, c'est pas seulement le ministre qui doit porter les montres des 5 millions. Jésus ne savait pas que Hérode avait le cheval blanc, il va prendre l'âne pour monter là-dessus. Le roi qui monte sur l'âne. Le roi doit monter sur quoi, frère? S'il montait sur le cheval, c'est qu'il ne devait plus venir avec son cheval blanc. Vous savez, le cheval, c'est le cheval qu'il a. Bien taillé, bien propre. Ce n'est pas de cette dimension. Parce que son royaume n'est pas de ce monde. Donc, il peut se comparer ici. Il lui peut prendre l'âne. L'âne le plus têtu. C'est-à-dire que s'il prend la voiture, c'est la voiture qui est gâtée, quoi. Mais aujourd'hui, ceux-là, ils disent quoi? On ne doit pas. Non, le ministre. Je suis quand même ministre. Vous savez, la Bible déclare ici, dans ce livre de 2 Corinthiens, là-bas, que Dieu nous a fait quoi? Ministre de justice. Quand on est un ministre de justice, il va regarder Laurent Esso du Cameroun là-bas. Qu'il est du grade de Laurent Esso. C'est un scénario à voir, pas vrai, frère? La terminologie ministre de justice dans la tête n'a rien à voir avec ceci. Parce que c'est deux royaumes différents. On ne peut pas comparer le rouge et le blanc. Ça n'a pas de sens. Verset 4 du chapitre 21 de Focal. Allons-y. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Oui. Et la mort ne sera plus. Oui. Et il n'y aura plus ni deuil, oui. Ni cri, oui. Ni douleur, oui. Car les premières choses ont disparu. À cet instant, Romains chapitre 8, verset 19 est accompli. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu? Parce que le chapitre 21 commence par « Puis j'ai vu des nouveaux cieux, une nouvelle terre qui descendait, quoi? » D'auprès du Père, n'est-ce pas? Voilà à cet instant-là, parce que quand le jugement se termine au chapitre 21, là, le verset 1, vous voyez? Le verset 15, là. À cet instant-là, maintenant, on introduit le royaume dont on a le promettre depuis. C'est ce royaume-là que Christ doit régner. Il ne doit pas venir ici pour commencer à faire que il faut que papa soit comme il travaille maintenant au chantier naval. Son travail est dû là-bas. Jésus dit que ouais, qui va arranger la lumière à l'assemblée de maman Véro. On le met maintenant électricien. Il n'y a pas d'électricien là-bas. Parce que la Bible déclare on n'aura pas besoin de ce style de lumière. Et je veux que vous compreniez d'abord que oubliez tout ce que vous voyez ici. Ça n'a rien à voir dans cette autre dimension-là. Oubliez d'abord tout ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez là, ça se trouve nullement là-bas, de l'autre côté là-bas. Il n'y aura rien de pareil, il n'y aura rien de comparable. Rien que vous puissiez comparer avec cet autre système-ci. Il n'y en a pas. C'est pour ça que les satanistes, quand ils vont dans le monde spirituel, de l'autre côté, que dans le monde illusoire que Satan leur montre, ils voient, ils aiment vivre plutôt là-bas. Satan les fait vivre là-bas pour qu'ils vieillissent davantage. Ils meurent, ils se meurent sans connaître la vérité. Parce que c'est le monde illusoire. Mais nous avons un monde réel. Amen. Continuons aussi la lecture là. Et celui qui était assis sur le trône. Écoutez très attentivement ce qu'il va dire. Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Vous avez entendu, n'est-ce pas? À cet instant-là, on n'aura plus besoin. Regardez comment il prêche la sueur. Il n'y aura plus ça. Parce que le soleil ne me battra plus. On vient chaque fois, tu marches. Quand tu atteins le tas, tu es sous l'arbre. Tu fais. Papa, sauf comme ça, la sueur sur lui. On n'aura plus ça. Il n'y aura plus. Enfin, il a dit là-bas qu'il sera toute l'âme de leurs yeux. Il n'y aura plus le soleil pour nous brûler. Quelle espérance nous avons? J'entends ça. Oui, l'espérance de l'évangile est certaine. Ce qu'il promet, c'est produire. Oui. Celui qui fit les promesses est oui. Amen. Et Dieu intervient par un. Le numéro 30 de la page 8. C'est pourquoi dans la foi est une immense joie. Persévérons dans le combat. Car nous savons que notre travail n'est pas vain. La semence porte des fruits. Bon, ça va. Attendons d'abord. Numéro 30. On va chanter, d'accord? Comprenez bien, voilà la chose qu'André Dessé dit dans la Bible. Écoutez très attentivement. Je recommence encore ce qu'il dit dès le départ. C'est à cause de nous, encore sur la terre. C'est nous dont on parle. Dieu attend la rédemption de notre être, de notre corps, afin que tout soit changé. Vous comprenez cela? Tant que le dernier entré que le Seigneur a prédestiné n'entrera pas, on restera là. Donc, en fait, on souffre comme ça à cause des derniers entrées. Jusqu'à ce que le dernier entre en. Si c'est celui qui est le dernier entré, quand il entre, ça sera réglé. Tout ce que les gens font sur le soleil, ce sera ça. Et quand il va se lever, il va se saisir sa grande puissance pour saisir cela, comme on a vu là-bas, ça sera terminé. Amen. Amen. Vous parlez de la perfection. Je ne sais pas comment les femmes peuvent mettre le rouge à lèvres sur les yeux pour effrayer les gens. Ils disent que c'est la beauté. Là-bas, il n'y a pas. Attendez, regardez d'abord le cantique. Vous allez acheter le rouge à lèvres où? Au ciel. Je veux que vous me dites aussi. Hein, petit Ézéchiel. Il y aura les marchés des faux cheveux là-bas. Chantons. Oui, l'espérance de l'évangile est certaine, ce qu'il promet se produit vraiment. Celui qui fit des promesses est oui et amen. Et Dieu intervient par un saint. C'est pourquoi dans la foi est une immense joie. Persévérons dans le combat, car nous savons que notre travail n'est pas vain. La semence porte des fruits. Oui, merci. Sois à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pouvait en retenir son corps. Notre patrie n'est pas sur la terre, mais au ciel. Dans la ferme céleste cité, considérons donc bien notre roi éternel. Pape en ce Pilate interrogé, mon royaume n'est pas de ce monde, a-t-il dit dans la belle confession qu'il fit. Témoignons clairement par la vie en parole. Je suis un étranger sur ce sol. Oui, merci. Sois à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts. Rien ne pouvait arrêter ni son corps. La nature divine, son épouse l'obtient. Oui, l'abondance de ses vêtus, pour que sans ride ni tache, mais plus et sain, nous soyons présentés à Jésus. Cette œuvre, Dieu l'a commencée dans notre vie. Par lui, elle sera accomplie. Non des valeurs que la foi et la patience et la vivante et ferme espérance. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pourra retenir son corps. Oui, nous délouons Dieu pour ce céleste appel et pour l'héritage impérissable. Ton Fils unique inaugura la voie nouvelle. Sois béni pour ces dons ineffables. Garde-nous, notre Dieu, dans un esprit bouillant, que sans cesse nous soyons fervents. Pour garder l'espérance que tu as donnée d'être avec toi pour l'éternité. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pourra retenir son corps. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Amen. Nous avons une espérance de notre ciel qui nous attend, n'est-ce pas? Remarquez très attentivement que ce couplet a dit que considérer le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ devant Ponce Pilate. Quand Ponce Pilate l'a interrogé, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, a-t-il dit, dans la belle confession qu'il fit. Puis on dit, témoignons clairement par la vie en parole, je suis un étranger sur ce sol. Alors maintenant, ça veut dire, quand il dit mon royaume n'est pas de ce monde, ça veut dire préparez-vous à entrer dans ce royaume-là. En fait, c'est le but même du message biblique. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Les prédicateurs disent qu'avant que le royaume de Dieu ne vienne, il faut d'abord régner ici. Alors, ce que le Saint-Esprit est en train de dire là-bas, c'est qu'en réalité, à l'intérieur, on soupire pour pouvoir revêtir. C'est ce qu'il va développer encore dans 2 Corinthiens chapitre 4 et chapitre 5. Donc, il faut qu'on se dépouille de ces choses de la terre. Désirant revêtir notre domicile céleste, parce que nous n'avons point ici en bas de domicile permanent, n'est-ce pas? Maintenant, souvenez-vous de ceci, les prédicateurs mentent en disant que ce verset ci veut dire qu'on s'implique dans la politique, dans la gestion des choses de ce monde-ci. Ça n'a rien à voir. Parce que même si tous les chrétiens, dans tous les pays du monde entier, même si les chrétiens étaient présents dans la République, écoutez très attentivement, le plantain, les poissons, tous ces arbres verts là-bas continueraient toujours à souffrir. Parce que le but n'est pas que les chrétiens prennent la place. Le but, c'est qu'en fait, la nature est hors de son créateur. Il faut que le créateur rentre en possession de sa possession. Vous comprenez cela, n'est-ce pas, frère? Quand le créateur va prendre en possession, parce que tout ce qui touche doit prendre la vie. Tout ce qui touche prend vie. Amen. Vous voyez, quand l'auteur de la mort est en possession de quelque chose, on dit que c'est lui qui a ça entre ses mains. C'est lui qui geste là. Et puis vous dites qu'à l'intérieur, je vais impacter. Tu vas impacter. Ok. Comme c'est le vote démocratique là maintenant, tu seras président. Tu es président, tu es premier ministre. Tu es premier ministre ou bien tu es président de la République. Tu es chrétien. Tu vas faire que tous les députés soient des chrétiens. Ce n'est pas la dictature douce comme ça, frère. Donc le Seigneur vous bénisse. Amen. Des questions? Que je règne. La nature attend. Tu cites la création, attend avec un ardent désir. Après, il voit plutôt la présidence, c'est la création, frère. La présidence, le chef de l'État, c'est la création. C'est là-bas qu'il y a la création. On dit la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils. Que les fils soient manifestés. Donc, souvenez-vous que le salut du monde, c'est à cause de nous encore une fois et plus. Allons-y, des questions? Oui, mon frère. Donc, frère, après tes explications, ça veut dire tellement que dans Matthieu chapitre 6, verset 34, là où il demande de chercher premièrement le royaume, oui. Ça veut dire qu'on doit se préparer, on doit chercher à à entrer dans le royaume qui est à venir. Non, le chrétien, lui, il est déjà dedans. C'est ça le vrai problème. Je vous ai dit que Matthieu, chapitre 6, verset 34, ne concerne pas les chrétiens. Je vous ai posé la question ici. Regardez très attentivement. Si vous lisez la Bible, vous allez remarquer. Dans le livre de Luc au chapitre 17, vous allez remarquer quelque chose d'amusant. Quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler aux pharisiens, ils vont demander que le royaume de Dieu est où? Où est ce royaume? Il dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Parce que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ouais, pourtant, à d'autres personnes, il a dit, repentez-vous quand le royaume de Dieu arrive. Il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Si vous ne vous repentez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume. Pouf, à eux, il a dit que le royaume de Dieu, voilà le royaume de Dieu au milieu de vous. Qu'est-ce qu'il a dit? L'auteur du royaume de Dieu se trouve en plein milieu. Donc ça veut dire que si le rejet, il ne peut même pas comprendre d'abord le royaume qu'ils sont allés chercher. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Maintenant, quand la Bible déclare Matthieu chapitre 6, verset 34, il dit, ne vous inquiétez de rien pour toutes ces choses parce que les païens qui les cherchent. Il dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais ça m'étonne qu'on continue à dire ces choses-ci aux chrétiens. Ça m'étonne. Allons-y là-bas. Ouvrez ce Matthieu, chapitre 6. Il dit, ça m'étonne. J'ai déjà dit ça fatigué. Ça ne concerne pas les chrétiens. Ok. Vous avez suivi ce qu'il dit, n'est-ce pas? La Bible déclare que nous sommes la justice de Dieu. La Bible déclare que nous sommes la justice de Dieu. Et donc, la Bible déclare dans ce Matthieu chapitre 6, donc, il dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je ne sais pas si le chrétien en est de chercher encore le royaume. Vous cherchez encore le royaume? Non. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est... Comment on fait pour entrer dans le royaume? On commence par où? Repentance. Il te donne quoi? Repentance. Il te donne quoi? Repentez-vous et que chacun de vous soit... Et vous recevez... Le don de Saint-Esprit, c'est la présence même du royaume là-bas. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous dites à un chrétien que non, ma soeur, laisse ça, cherche premièrement le royaume de Dieu, je ne sais pas si vous comprenez. Lisons cela, Matthieu chapitre 6. Ézéchiel, tu peux lire. Lis à haute voix, verset 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Vous voyez ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas? Donc, de grands enseignements sont donnés là-bas. Vous avez remarqué, si vous prenez le chapitre 6 ici de Matthieu, vous prenez le chapitre 6, vous allez voir, il va commencer à enseigner à ses disciples, il dit, à partir du verset 1 du chapitre 6, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice pour être vu des hommes comme les pharisiens. Il va toujours mettre l'emphase sur les pharisiens. Vous comprenez cela? Gardez-vous à l'esprit de ce que je viens de dire. J'ai dit que ça ne concerne pas les chrétiens. Parce que les chrétiens sont dans le royaume déjà. Vous comprenez cela? Donc, en fait, c'est fait pour ceux de dehors qui doivent entrer dans le royaume. Puisque ceux de dehors doivent s'inquiéter. Quelqu'un qui est chrétien, qui est déjà entré, doit savoir effectivement que Christ est son pourvoyeur. C'est lui qui est son rédempteur. Chaque jour, il marche en comptant sur lui. C'est celui qui est à l'extérieur encore qui dit... Si il laisse maintenant, il part à l'église, il va faire comment? Mon commerce va perdre, je vais perdre mes marchandises. Celui qui va dire comme ça, le chrétien comprend effectivement que en réalité, Christ a donné tout pour le sauver, il doit donner tout pour vivre cette vie-là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ça dit, le verset 33 et 34 de Matthieu, en réalité, ne concerne plus les chrétiens. Quand vous n'êtes pas chrétien, ça vous concerne. Quand vous entrez, vous avez compris l'enseignement. Le chrétien ne cherche plus la justice de Dieu. Parce qu'il est lui-même justice. Et tu as été justifié par la justice de Dieu. Parce que Christ est la justice de Dieu. Y compris dans les chrétiens. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas ce que vous me saisissez? Des questions? Oui, mon frère, posez toutes vos questions. Sentez-vous les poser des questions. Nous sommes dans l'enseignement de Genèse maintenant. Genèse, chapitre 3. Oui. À partir du verset. Oh, papa, avant de poser sa question, quand il prend la Bible, il se lève. Il se lève. Il lit. D'autres personnes, quand ils se lèvent, tu dis, lis ma soeur, ou bien lis mon frère, dis, je lis la parole de Dieu. Ou bien d'autres encore, tu dis que lis, il dit, je lis ça au nom de Jésus. Vous êtes trop fort. Bon, je ne sais pas de trop, mon cher. Verset 17. Oui. En fait, ça concerne les différentes sanctions que le Seigneur va donner okay. après oui. à tous les protagonistes oui, du film de la Genèse. Oui. Mais je vais m'attarder beaucoup sur la sanction de l'homme. Oui. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme oui. et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, oui. tu n'en mangeras point. Oui. Le sol sera maudit à cause de toi. Voilà ça aujourd'hui. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture oui. tous les jours de ta vie. Oui. Le Seigneur est en train ici de lui dire que en mangeant de l'arbre du fruit, il a désobéi. Oui. Je vais repartir au verset au chapitre 2. Au chapitre 2. Oui. Là où il a dit à la Verset 16. Verset 16. Ou bien. Non, là où il a dit, allez et multipliez-vous. Oui, je me lève, je ris, ça m'a permis de rire d'abord quand même. Vous savez, il y a des... Oui, allons-y, chapitre 1, donc. Allons au chapitre 1 plutôt. Ou bien. Oui. Dieu créa l'homme et la femme. Et nous sommes au chapitre 1 là. Dieu créa l'homme à son image. Chapitre 1, chapitre 1 verset 26, 27 et puis 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui. Dieu les bénit. Oui. Dieu leur dit. Oui. Soyez féconds. Oui. Multipliez et remplissez la terre. Amen. Et la sujétissez. Amen. Ici. Oui. Par cette sanction. Oui. Je comprends que l'homme, avant d'avoir connu sa femme, oui. ne l'avait jamais connue avant. Ça, c'est que ça. Tu as bien saisi la Bible. Tu mérites d'être vraiment docteur. Donc, c'est la première fois qu'il connaissait sa femme. Et il connaissait de la mauvaise façon. Et il l'avait connu. Et au mauvais moment. Justement. C'est ça le vrai problème. Ouais. En fait, je peux maintenant moi-même poser les questions et répondre. Amen. En fait, quand vous lisez la Bible, c'est ça que les gens ne comprennent pas justement. Il y a des gens qui viennent me poser des questions encore sur le péché original. Ils disent que ta tête ne tient pas, toi le coup garçon, tu te déranges. Que voilà, Dieu avait dit que aller multiplier. Ils ne comprennent pas parce que les gens ne veulent pas s'asseoir pour comprendre. Si les gens s'asseyaient pour comprendre la Bible, comme tu l'as fait là-bas, dans le chapitre 1, justement, Dieu dit, Dieu leur a donné la promesse de se multiplier. Donc, il n'y a pas de faute si Adam et Ève l'avaient fait. Le vrai problème se situe du fait que le diable l'a fait et il l'a pris par la suite. C'est ça le vrai problème. Donc il ne devrait pas le faire. Après quelques 15 ans là-bas. Allons-y dans le livre de Jérémie, chapitre 3. Jérémie, le chapitre 3. Donc vous voyez effectivement que dans Genèse, chapitre 1, verset 27. Dieu donne l'ordre à l'homme et à la femme, multiplier. Donc, ça veut dire que leur acte, leur relation est légale. Maintenant, il y a une interdiction face à une communion avec quelqu'un d'extérieur qui viendrait souiller cette relation-là. Et là, dans la sanction du chapitre 3, le verset 17, il dit que puisque tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, puisque tu as interdit, il n'a pas dit que puisque tu t'es multiplié comme je t'avais dit de multiplier. C'est une interdiction qui lui avait été donnée par la suite. Vous voyez, n'est-ce pas? Et là, maintenant, il dit que le sol sera maudit à cause de toi. Maintenant, dans le chapitre 3 de Jérémie, le verset 1 dit quoi, mon cher Donatien? Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retournera-t-il encore vers elle? On dit quoi? Que? Le pays même ne serait-il pas souillé? Donc, ça veut dire que si on fait ça dans la nation, ça souille tout le pays. La première création, la première créature qui est le modèle parfait, souille quoi? L'univers. Voilà ça que nous avons dans c'est le problème qui se trouve dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 19. Là. Il a souillé tout l'univers parce que c'est le premier prototype. Tout l'univers. Si on fait ça dans un pays, ça souille tout le pays. S'il y a un acte comme ça, souille tout le pays. C'est donc pour cela que Joseph se refusait de continuer avec Marie. Il connaissait ces principes-là. Et maintenant, le principe devait être mis exactement comme à l'origine, à la Genèse. À la Genèse, il y avait un homme parfait, qui avait une femme parfaite et qui ne s'était pas encore connu. Quelqu'un est tombé, est venu entrer pour mettre la femme enceinte. Dieu a dit qu'il va arranger de la même façon en prenant la postérité de la femme. Puis maintenant, voici encore dans la Nouvelle Alliance, on voit qu'il y a un homme parfait qui prend une femme parfaite, qui est vierge, qui ne l'a pas encore connue. C'est ça, c'est une situation ambiguë ici dans Matthieu. vous posez la question, ok, pourquoi dans le livre de Genèse, bien que Dieu a donné la multiplication, le principe de multiplication, pourquoi il n'avait pas commis là? Parce que Dieu n'aurait pas encore expliqué comment. Voici Joseph qui était fiancé à Marie. Pourquoi il ne la connaissait pas? Pourtant, c'était sa femme. Vous voyez, bibliquement parlant, ils étaient mariés. Pourquoi ils ne la connaissaient pas? Parce qu'il fallait que ça soit arrangé de la bonne façon. Un homme qui est lié à une femme sans avoir connu le rapport sexuel pour que Dieu vienne entrer pour résoudre le même problème comment Dieu a été entré dès le départ. Comprenez cela? Dieu pouvait choisir, il y a tellement de vierges en Israël. Dieu pouvait choisir une vierge qui n'est pas fiancée ou une qui n'est pas liée à quelqu'un. Pas vrai? Pourquoi il a voulu que ce soit sous l'autorité d'un homme? Parce que c'est sous l'autorité d'un homme que la première avait été, il a chuté. Il fallait qu'il le mette sous l'autorité d'un homme pour rétablir l'autorité qui a été brisée là-bas. C'est ça, n'est-ce pas? La différence maintenant, c'est que Dieu n'est pas allé sur cet homme-là, sur cette femme-ci. Il a couvert de son ombre et s'est tabernaclé dedans. Il a couvert de son ombre. Satan n'est pas un créateur. Il a dû donc utiliser la partie que Dieu lui-même avait créée comme intervalle pour entrer. C'est pas ce que c'est. Voilà donc. Dans Genèse chapitre 1, verset 27, ce n'est pas une interdiction. Il avait dit comment il devait faire. C'est un peu comme vous lisez votre Bible, vous lisez doucement. Vous avez remarqué que le chapitre 1 nous dit que l'homme ne mangeait pas les animaux. Vous savez ça? Donc à l'origine, on était des végétariens. À l'origine, on ne mangeait pas. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas tuer un poisson pour manger, tuer quoi, la poule, comme ça, le poulet. Le poulet était des amis des hommes, n'est-ce pas? Mais vous tuez aujourd'hui, parce que vous tuez ça qu'en série. Vous voyez ce que l'on est? Ok, des questions, frère. Si vous avez saisi, c'est bon. Quand ça dépasse les gens, ils disent que non, non, non. Il y a des gens qui me disent, frère Junior, nous t'aimons, enlève l'enseignement sur les semences de l'argent. Pourquoi j'enlève? Déchirer la Bible. Brûler toute la Bible, parce que partout dans la Bible, ça se trouve. Vous devez enlever. Si on n'est même pas comme ça, là, laissez. Je vous ai appelé de mémé. J'ai appelé quelqu'un de mémé. Oh. Vous allez, on va fuir l'enseignement sur le pochet original. À un moment donné, il y a un autre enseignement, je reviens encore là-dessus. Vous écoutez là-bas, vous dites, ah, il est encore revenu, c'est avec ses histoires. Vous me posez la question, je vais toujours répondre. Alors, posez des questions. Là dehors, va d'abord. Là-bas, va dehors. Posez des questions, posez des questions. Si vous ne posez pas de questions, moi je vous en pose maintenant. Je pose la question alors. Hein, frère Arnaud, je pose la question. Patan, il a dit qu'il ne pose pas la question. Ok, je dis, c'est à toi qu'il pose. Il a pointé le doigt sur toi. Et tu ne réponds jamais aux questions. Si tu me tournes, c'est marrant. Est-ce que tu sors? Alors, y a-t-il des questions? Il y a plein de questions. Plein de questions. Assieds-toi. tu te couches seulement. Tu dors. Après, quand on va partager la bouillie, tu vas te lever. Écoute, il faut que tu écoutes les enseignements. C'est bien pour vous. C'est à cause de vous qu'on lutte sur la terre ici maintenant. Les jours sont mauvais. C'est pas ça, mes frères. Les enfants là que vous voyez là, il faut les faire écouter la parole. Alors, des questions? Ça m'étonne que vous voyez, que vous venez, que vous n'avez pas de questions. Parce que si vous posez la question là, vous allez commencer à cogiter. Oui. Il est possible de recevoir le Saint-Esprit sans sensation. Ça dit quoi, sans sensation? Tu veux que j'aie des sensations, frère? Sans vibrer. Sans vibrer. Tu deviens le moteur. Hein? Il demande s'il est possible que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit sans sensation. Tu veux vibrer quoi? Vibrer pour Dieu. Oh, vibrer pour Dieu. Oh. C'est ça? Y a-t-il une sensation attachée au Saint-Esprit à sa réception? Y a-t-il une prescription à la quoi, quant à la... Quoi, la vibration? Le témoignage, plus d'un demande que très souvent, il y a des sensations. Comme par exemple, qu'est-ce que j'ai des sensations? Le chef d'épaule. Acte 4. Acte 4. Après, il a prié, le lieu a tremblé, donc on a commencé. C'est ça la sensation. Quelqu'un qui démontre que notre Dieu est vraiment aveugle. Vivez ce qu'il faisait dans Actes chapitre 2 pour avancer au chapitre 4. Vivez cela et voyez le lieu va trembler. On dit que vous avez tout en commun. On dit que oui, ils avaient tout en commun. Mais vous voulez le Saint-Esprit qui tremble le lieu. Vous voulez le Saint-Esprit qui tremble le lieu sans vivre ce que le style d'amour que eux vivaient. Des questions, posez des questions. J'ai deux questions. Dans 2 Corinthiens chapitre 10. versets 5 à 6 et je contiens chapitre 13. Vous entendez ce qu'il dit là? J'ai deux questions. C'est un conducteur, n'est-ce pas? J'ai deux questions. La première question, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 5 à 6, que je veux lire. Les âmes avec lesquelles nous... Nous renversons les raisonnements, oui, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oui. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Oui. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire dans ce verset 6? Mmh. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Qui parle d'abord? L'apôtre Paul s'adresse. Voilà. Lisons le verset 13. Allons au verset 13 jusqu'au 18. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour limite, pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, mmh, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Mmh. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Mmh. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, oh, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Oh. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Oui. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Maintenant, l'apôtre Paul se trouve en contestation avec des faux ouvriers qui s'étaient glissés à Corinthe et qui enseignaient des doctrines et challengeaient même sa propre autorité. N'est-ce pas, frère? Alors, chapitre 11, le verset 13, qu'est-ce que ça dit? Ces hommes-là sont des faux apôtres. Oui. Des ouvriers trompeurs. Oui. Déguisés en apôtres de Christ. Vous voyez? Et il parle de ces hommes-là qui sont venus. Rentrons au verset 10. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Oui. Pourquoi? Parce que je ne vous aime à pas. À haute voix, frère, vous avez le même rythme. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Mmh. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Voilà. Donc, ils avaient challengé. Et pourtant, ce sont les faux qui venaient challenger l'apôtre de Christ. Et vous allez voir l'apôtre pour pouvoir dire, je suis en train de venir vers vous. Ne m'obligez pas à utiliser la hadiesse. Vous voulez que j'utilise l'autorité que Christ m'a donnée pour vous. Les prédicateurs envoyés de Dieu ont les armes offensives et défensives. Quand les gens vont citer dans ces 2 Corinthiens chapitre 10 en disant « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnues, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute pensée captive. Nous les amenons, toute pensée captive, à l'obéissance de Christ. » Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, si ça sonne bien à répéter, vous pouvez répéter, il n'y a pas de problème. Si à force de sonner bien dans l'oreille, puisqu'on cite les versets bibliques, ça donne. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs qu'enseigne la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Si c'est bien de citer comme ça, citez. Les prédicateurs envoyés de Dieu ont les armes offensives et défensives. L'apôtre Paul lui dit, parce que les gens disent, c'est ce qu'il racontait là-bas quand il se réunissait, il dit que Paul, parce qu'il était petit, en fait, c'est un petit homme. Quand il disait que qui, Paul, le petit garçon qui est vu là-bas, on dit, parce qu'il dit dans sa lettre qu'on raconte qu'il parle comme ça, il le dit comme ça, et dans, que physiquement, quand il est là, il est mou. Il dit dans la lettre que prenez faites attention, tel que nous sommes dus dans la lettre, c'est comme ça que nous sommes. Il dit donc aux Corinthiens qu'il s'est comporté comme ça à cause de... Est-ce qu'il ne les aimait pas en faisant cela? Il les aimait, il les chérit. Et Dieu est témoin qu'il les chérit dans son cœur. Puis il dénonce que ces gens-là sont les faux apôtres de Christ. Maintenant, il est dit ici au chapitre 10 que si vous, Corinthiens, vous êtes dans l'obéissance aux paroles de Dieu, ceux-ci qui vous créent le problème, nous pouvons traiter avec eux. C'est pour ça qu'il a dit que nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance lorsque votre adversaire, lorsque votre obéissance sera complète. Si vous êtes complet dans l'obéissance, toute tentative d'inclusion dans votre camp, on va les punir. Il a démontré cela dans chapitre 13. Dans chapitre 13, lorsque le proconsul a fait appel à Saul et à Barnabas pour entendre la parole de Dieu, qu'elle a commencé à parler. Il parlait. Le bas, Jésus était là-bas. Il sort le pigeon, ça devient le mouchoir. Il sort le mouchoir, ça devient la prune. Il n'y a pas de problème. Quand le ainsi parle, le Seigneur est entré sur lui. Il s'est tourné là-bas. Il dit que fils du diable, ouvrez l'iniquité. Quand cette sanction-là sort, c'est terminé. Voilà les âmes offensives. Quand il fait cela, voilà les satanistes. C'est un sataniste, par exemple, qui a le contrôle. Ou vous pouvez prendre un chrétien. C'est pour cela qu'un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, c'est un danger sur la terre. Vous le tapez. Il suffit qu'il sorte une parole. Il dit une chose. Ça reste pour l'éternité. Vous comprenez cela, frère? Si le frère était le jour qu'on le lapidait, s'il disait, ne les pardonne point ses péchés. C'était terminé pour ce groupe-là. Vous voyez ce qu'il en est, frère? L'apôtre Paul explique que les chrétiens, si les chrétiens sont dans l'obéissance, si vous vivez dans l'obéissance à sa parole, aux doctrines telles que c'est donné, même si les gens viennent pour vous subjuguer n'importe comment, le Saint-Esprit va traiter contre eux. Si vous lisez le livre des Thessaloniciens, vous allez voir effectivement comment la Bible déclare qu'il y avait des juifs, des judées qui sont les plus rebelles et qui l'empêchaient maintenant qu'on parle aux juifs pour que les autres soient sauvés. On dit que la colère de Dieu a fini par les atteindre. Vous comprenez cela? Comment la colère de Dieu a fini par atteindre ceux de la Judée? Parce que c'était le peuple le plus dangereux, le plus rebelle dans le territoire des juifs. On dit, lorsqu'il traversait pour aller annoncer la parole de Dieu, ceux-ci faisaient toujours opposition. Puis l'apôtre Paul explique que la colère de Dieu a fini par les atteindre. Donc faites opposition à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Faites attention. Vous pouvez faire n'importe comment vous en sortez. Mais lorsque le Saint-Esprit entre en action, tu vas croire que c'est la personne qui est debout, avec qui tu as de causer là, qui est là. Quand vous souvenez, je vous ai parlé plusieurs fois du cas d'Ananias. Quand il est entré, l'apôtre Pierre dit, bonsoir tonton Ananias. Bonsoir papa Pierre. Ça va? Oui. La somme que tu as mise là, tu as vendu à combien? C'est 3 millions. On a le type qui a acheté le champ, il a discuté. C'était un vrai bamiléki. C'est comme ça que tu as vendu le champ. Oui, il a donné là. Il a même discuté jusqu'à. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ou il devait savoir que quelqu'un doit rentrer de parler. Amen. Chacun dépose l'argent, on ne dit rien. Mais lui, on pose la question, on a à savoir, oui. Est-ce assez plus que tu as gardé l'argent? Il devait se poser la question, mais pourquoi lui, particulièrement, il a déposé cette question? Les armes offensives et défensif. Pas que l'apôtre Pierre a dit n'importe quoi, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Il dit que ce n'est pas un homme que tu as menti, donc ce n'est pas un homme qui est en train de parler. Amen. C'est au Saint-Esprit que tu es en train de parler, Ananias. C'est au Saint-Esprit que tu es en train de parler. Il était debout devant eux là, comme au milieu de l'assemblée, en train de parler, avec la même voix de Pierre. Il dit, ça va, Ananias dit, oui, ça va, monsieur Pierre. Il oubliait que c'est le prophète qui est entré en action ici. Alors, lorsque les gens sont dans l'obéissance, maintenant, vous pouvez se tourner maintenant pour punir ceux qui vous créent le désordre. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit, l'apôtre Paul a dit. Des questions, frère? Vivez seulement dans l'obéissance à la parole et voyez Dieu à l'œuvre. Vivez seulement dans l'obéissance à la parole et voyez Dieu à l'œuvre. Ne dandinez pas comme ça. Vivez dans l'obéissance, clair. Que la parole est votre socle. Que la parole soit votre socle. Vous allez voir la parole vivante manifestée. Il a dit dans la Bible que si l'ennemi vient comme le fleuve, c'est l'Esprit du Seigneur qui le mettra en fuite. L'Esprit du Seigneur. Des questions? C'est pas tant qu'une précaution, c'est grave. Non, c'est que la dernière fois, tu as dit en des minutes que nous ne pouvons pas rester, le Christ peut rester rempli du Saint-Esprit. Constamment, oui. Constamment. Oui. Si tu en connais, montre-moi un exemple. Oui, tu voulais savoir si c'est vraiment ce qu'il dit. Non, je sais que c'est ce que tu as dit. Ah, ok. Quelle est la précaution alors? Non, je veux dire que si c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Oui. Maintenant, s'il y a des moments où le Saint-Esprit n'est pas dans... Vous savez, c'est pour ça que les expressions bibliques, on doit faire attention. Et je veux poser une question. Les apôtres, quand dans chapitre 4, on en a parlé, quand les chicotes dans le temple, là, le Saint-Esprit est où? Il peut aveugler ces gens-là. N'est-ce pas lui qui a fait disparaître là-bas dans le temps, il les mettre dehors. Mais quand tu crois, quand là-bas, on t'a parlé, dit, aïe, qui pleure. Hein, frère? Quand on chicote, les gens comme ça, pam, pam, puis il dit, ouais, ouais, ouais, ouais. C'est lui qui pleure. Le Saint-Esprit, lui, pleure. Entre-temps, il est où? Il est toujours là. Il est là. Mais est-ce qu'il reçoit un seul coup? Non. Ok. Quand ces pierres vont dans chapitre 9, quand Tabitha est déposée là, il se prosterne là. Quand il se tourne, il dit, Tabitha, lève-toi. Qui parle? L'apôtre Pierre a quelque chose, voilà dedans. Non. Ok. Du moment où il était à quoi il partait, il était à Jopé, il marchait partout là-bas. Le Saint-Esprit était où? Le remplissage du Saint-Esprit, c'est la capacité momentanée d'agissement de Dieu dans une personne. Ce n'est pas une quantité de l'eau qu'on verse, on dit, brrr, que je suis rempli du Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça dont c'est la question. Le fait que tu ne sois pas rempli du Saint-Esprit, tu ne veux pas dire que le Saint-Esprit quitté hors de ton corps. Ça suppose que le Saint-Esprit reste calme et te laisse en tant qu'homme d'agir. Parce que si tu fais agir dans cette dimension-ci, avec cette dimension de l'autre côté-là, tu vas mourir. Même la vision seulement, tu vis seulement la vision, ça peut te tuer, la vision. La vision seulement te tue. Vous avez lu le livre de Daniel, n'est-ce pas? Quand il a vu la vision au chapitre 10, il était même séjourné, c'est comme si ses genoux devaient quitter. Alors il est en train de voir quelque chose, il est debout, en train de voir quelque chose. Après, cette main-là est sortie, mais courage, courage. Il dit que quand tu m'as touché, j'ai été fortifié. La vision. Il n'y a pas du rêve. Hein. Le rêve, c'est la sueur que ça vous donne. Que je suis sorti quand vous voulez me tuer. Là, c'est le rêve. J'ai pas de la vision. Quand c'est la vision et que vous entrez dans le discernement, vous voyez ce qu'il en est. Quand ça quitte, c'est plus que le travail que vous avez fendu un camion de bois. N'en parlons pas maintenant quand ce même Saint-Esprit est en train de le délivrer plus tôt. Vous pouvez délivrer même tout un... Ah, je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez arrêter seulement le bâton? Vous tapez comme ça. Vous pouvez taper tout un collège d'enfants comme ça. Non. Mais j'ai donné... Comment? Samson attrape quelque chose comme ça. Il tue 3000 personnes. Il pense pam, pam, pam, 1000. Avec quel style de force il le fait? Il l'attache la mâchoire de l'âne. Quand? Et il faut... Quand? Il y a les gens qui ont le couteau, les gens qui ont le bâton, le tape, ils ne comprennent pas quand. C'est quand il est fini. Que tous les gens sont au sol maintenant. Comme quand le Saint-Esprit quitte sa présence. C'est là qu'il comprend qu'il y a un truc qui est gonflé ici. Il dit aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, que, aïe, aïe, il y a le boss ici. Aïe, aïe, aïe, aïe. C'est là qu'il comprend maintenant que lui-même, ça, il prenait des coups. Alors quand le Saint-Esprit, quand tu es rempli, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas le temps que tu es gonflé dans le Saint-Esprit. Que, non. C'est le moment où Dieu saisit ton être, met ton être, tes capacités de penser de côté pour agir momentanément. Et chaque fois quand il y a le remplissage du Saint-Esprit dans la Bible, c'est quelque chose qui s'est passé momentanément. Soit par prophétie, soit une action. D'accord? Vous remarquez quand Marie était enceinte de notre Seigneur Jésus-Christ, il est allé chez Élisabeth. Quand il a dit salut, la Bible déclare que lorsqu'il a dit poum, l'enfant a tressé dans son corps, elle fut remplie du Saint-Esprit. Il a commencé à dire comment est-ce qu'il est permis que la mère de mon Sauveur, mon Seigneur, vienne vers moi. Qui lui a dit que c'était la mère de Jésus d'abord? Quand l'ange est allé dire à Marie, c'est l'ange qui a dit à Marie qu'elle est enceinte. Elle, de ce côté, quand le Saint-Esprit est venu sur elle, il dit comment est-il permis à la mère de mon Seigneur? En temps normal, il devait dire que va me puiser l'eau là-bas. Parce que c'est sa tante, n'est-ce pas? Et comment elle vous dit la mère de mon Seigneur. Vous voyez cela? Quand Zacharie, lui, sera rempli du Saint-Esprit, il dit, toi, petit enfant, c'est son fils qui l'appelle comme ça là. Tu as été envoyé devant le Fils du Très-Haut, selon la miséricorde de Dieu. Vous voyez, quand le Saint-Esprit vient, il fait quelque chose. Quand l'apôtre Pierre, Paul sera rempli du Saint-Esprit, il va se tourner vers cette heure, il dit que l'obscurité va tomber sur toi, pam, il devient aveugle. C'est pas chaque jour qu'il est rempli du Saint-Esprit. Non, non, non, non, c'est pas comme ça. Donc, dans votre Éphésiens chapitre 5, on dit que soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul André dit, écoutez, regardez ici. Si vous lisez Éphésiens chapitre 5, verset 18-19, il prend deux choses différentes pour comparer les effets. D'accord? Un homme n'est pas constamment sourd. Vous devez même, le bon sens vous dresse là. L'effet de la sourdise, ou bien l'effet d'énivrement là, c'est momentané. Parce que quand le vin, vous prenez du vin à l'intérieur, c'est là où l'effet commence, n'est-ce pas? Donc il dit que ce ne soit pas cet effet qui soit en vous, que ce soit plutôt l'effet du Saint-Esprit. ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ne laissez pas que le vin utilise ses capacités sur vous. Laissez plutôt que le Saint-Esprit puisse utiliser ses capacités. Vous voyez, les gens écrivent des choses sur le Saint-Esprit, ne connaissant pas le Saint-Esprit. Il dit que toi qui lis l'âme, est-ce que tu es rempli le Saint-Esprit? Donc tu es rempli le Saint-Esprit pour dormir avec. Il faut la délivrance aux écrivains bibliques dans le monde. Donc le remplissage du Saint-Esprit, c'est la capacité spontanée, momentanée, pour son service, pour une mission bien déterminée, soit par prophétie, soit une déclaration, soit une sanction. Vous voyez l'espoir, soit une guérison, un miracle de la part du Seigneur, soit un signe ponctuel de la part du Seigneur dans un être humain. Il y a même d'autres encore plus graves qui a dit que jusqu'à que le chrétien soit rempli, jusqu'à toute la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'il a vu ce que Éphésiens a dit, mais il ne comprend pas ce que l'apôtre Paul dit. Vous êtes rempli de la plénitude du Saint-Esprit, ça veut dire que tous les dons sont pour vous, vous êtes devenu Jésus. Lisez ce livre-là, payez même ça à 25 000, même aucun brin du Saint-Esprit n'entrera en action. Parce que ce n'est pas lui qui peut inspirer ce genre de livre. Parce que c'est parce que le Saint-Esprit en dit là-bas. Je crois qu'on va venir sur l'étude du livre d'Éphésiens. D'accord. Rappelez-moi quand faut qu'on voit l'étude des livres d'Éphésiens, on va verset après verset qu'on avait fait ici avec les Thessaloniciens. Quoi? Thessaloniciens, Pierre, quoi? Si le Seigneur de l'OTAN va faire toutes ces choses-là. Éphésiens particulièrement, parce qu'il y a des choses riches là-bas d'enseignement. Des questions, frère? Oui. Oui, frère. Dans ce verset que tu as cité là, où la Bible nous demande de ne pas être, de ne pas prendre du vin. Oui. C'est l'homme qui s'enivre, qui prend du vin. Oui. Et il est ivre à un moment donné. Oui. Mais quand il dit que soyez au contraire rempli. Oui. Bon, je ne veux pas vouloir de moi-même être rempli. Bonne question. Vous voyez, effectivement, il y a un problème dans ces versets qu'il faut bien comprendre. Il faut comprendre la compréhension de ces versets. Pose d'abord ta question avant qu'on revienne, parce que ça va être long là maintenant. Oui, frère. Où est la pose? Qu'est-ce que tu voulais poser? Dans ce livre de Jean, non. Dans le livre de Jean, ça dit de quoi? Vous entendez là-bas? Hein? Le Seigneur dira. Où ça? Dans ce livre de Jean. Il va dire ça bientôt. Il dit. Le Seigneur dit. Vous allez me tuer sur la tête ici. Dans ce livre de Jean. Le Seigneur dira. Donc le Seigneur va venir dire dans le livre des gens. Continuez comme ça là. Le Seigneur dit, nul ne peut voir encore moi entrer dans le royaume des cieux s'il est né de nouveau. Oui. S'il est né d'eau et d'esprit. Et d'esprit, pardon. Et nous savons que l'eau dans la Bible symbolise la parole. Pas toujours, hein. Pas toujours. C'est bon. Dans ce cas précis, il y a... Oui, ok, dans ce cas précis. C'est la parole. Mm-hmm. Alors, comment naît la parole concrètement, naît l'esprit, puisque c'est la jonction de ces deux-là à la fin qui nous donne la nouvelle naissance. Ah, c'est la jonction des deux-là. Ici, il est né d'eau et d'esprit. Bon, finissons d'abord ici. Je crois que finalement, c'est plutôt pour ta part qui est long. Donc, le frère avait regardé, ouvrez ces Éphésiens chapitre 5, le verset 18 et 19. Verset 18 particulièrement. Vous y êtes. Le verset 18 dit quoi, frère Hervé? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Bon, maintenant, en fait, la première chose à faire, c'est que ce n'est pas vous qui vous enivrez. Ce que vous faites, c'est que vous prenez le vin. Amen. N'est-ce pas, mes frères? L'effet vient par la suite. L'effet vient tout naturellement. Donc, l'effet d'enivrement, ce n'est pas vous qui produisez. Pour vous, votre part, c'est d'avoir part au vin. Et puis le vin fait le reste. N'est-ce pas, frère? Prenez le seulement le Saint-Esprit. Et puis vous le voyez en action quand il le veut. Et là, vous voyez que quand vous prenez le vin, c'est pas au même moment que vous commencez à faire. Vous pouvez prendre 4 verres aujourd'hui, ça ne vous fait rien. Vous voyez comment vous tournez comme ça, quoi que le monde est allé en bas. L'autre jour, vous prenez 16. Ça ne fait pas le même effet. Donc ça veut dire que ce n'est pas constant. Et par conséquent, quand il dit, ne vous enivrez pas de vin. Tu prends le vin. Ta part, tu prends seulement le vin. Pour ceux qui s'enivrent, tu te rends compte seulement que tu es à l'intérieur. Tu vois quelqu'un qui était calme. Tu parles et dis que mamie, je peux t'acheter avec toute la barre. Tu comprends que l'effet a commencé. Il marche, il avance comme ça. Après, c'est le but comme ça. Il dit, oh, tu le regardes. Il dit, tu fais quoi là? Vous voyez que c'est l'effet qui a commencé, non? Demain, vous voyez la même personne. La personne est tout calme. Il dit, bonjour, monsieur. Bonjour. Il dit, bonjour. Vous voyez une grande personnalité. Ouais, et quand vous voyez, quand ils viennent de toucher, vous voyez, quand la cravate est comme ça, il a lancé la veste par ici. Le reste de la chemise est à l'intérieur du pantalon. L'autre est là, pas comme ça. La poche est sortie par ici. Il dit que, chouin, tu t'amuses, il te donne, tu bois toute ta vente ici. C'est l'effet de ça qui a de le traiter comme ça. Mais quand ça commence, il ne sait pas que ça commence. Il est là dedans. Donc en réalité, l'effet d'enivrement, là, vous ne connaissez pas exactement à quel moment. C'est comme le sommeil. Vous ne connaissez pas à quel moment ça commence. La Bible déclare dans Actes chapitre 13 que la Bible déclare quand l'apôtre Paul parlait au proconsul, et puis de ce côté-ci, ce garçon-là continue à intercéder, vous voyez, enfin, intercepter les paroles de l'apôtre Paul, entrant dans la conversation pour le bloquer. Pendant qu'il en est parlé, le Saint-Esprit entre en action. Il est fils du diable, ouvrier d'iniquité. Quand ça a commencé, quand la conversation a viré dans ce sens, le Saint-Esprit est en action. Donc, en fait, on doit être dans l'état du Saint-Esprit et l'état des... Écoutez très attentivement. L'état de remplissage vient, c'est le Saint-Esprit qui fait cet effet, comme le vin étant en toi, fait l'effet quand il veut. Soyez. C'est un état. Ce n'est pas vous qui convoquez. Que ce soit avec le vin, que ce soit avec le Saint-Esprit, ce n'est pas vous qui produisez n'importe quoi. Tout ce que vous faites pour vous-même, c'est de recevoir. Vous recevez la boisson quand. Après, tu comprends, tu commences à dandiner comme ça. Là. Tu crois que c'est le vent qui en est passé. Tu dis que ferme la fenêtre là. Que le vent est fort, alors que c'est toi-même qui bouge debout. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu du fait qu'aucune de ces gouttes-là n'est jamais traversé ma bouche. Et ce n'est pas pour vous. Buvez le Saint-Esprit. Pas comme ça. Pas la carte. Quand tu ouvres la bouche. Ah, ah, ah. Saint-Esprit, ce n'est pas l'air. Écoutez très attentivement. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'air. Au niveau des comparaisons entre le vin et le Saint-Esprit, le niveau, c'est au niveau. Écoutez très attentivement. En dehors des liquides. Qu'est le vin? Le Saint-Esprit n'est pas un liquide. Ce n'est pas une vapeur. C'est une personne. C'est la personne même de Dieu. Comprenez, n'est-ce pas? C'est la personne de Christ ici. Et donc, lorsqu'quand il entre en action, l'apôtre Paul parle de l'effet que ça produit. Vous faites des choses. Ce n'est pas normal qu'un être humain commence à dire que « Oh, madame, ton mari te donne combien par mois? Il peut te donner 50 000 par jour. Viens. » Et là, son salaire est déjà fini. Vous voyez que son corps, la façon qu'il rendait le contrôler, il n'est plus maître de lui-même. Donc, quand le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'es plus maître de toi, les déclarations qui vont sortir ne dépendent plus de toi. C'est ça dans ces questions. Et donc, c'est cette comparaison-là qu'il a de faire avec le Saint-Esprit. Alors, enfin, souvenez-vous de Actes chapitre 2. Quand le Saint-Esprit est venu sur eux, les gens, quand ils ont vu quel comportement? Des soulards, pas vrai? Ils disent, mais regarde les gars, là, ils bougent debout. Répentez. C'est quel, là, ils parlent quelle langue là? Il dit que non, ça c'est le. Tu ne vois pas, ils ont bu le matango chez Nicodème. Il dit qu'ils sont pleins de vin doux. Parce que l'effet que ça produisait sur eux était comme le vin. Il dit qu'ils ne sont pas ivres. Ces gens que vous voyez, ce qui bouge, qui parlait de la sensation tout à l'heure là. Voilà les sensations là. Mais vous voyez, les prophètes, vous allez voir un prophète va dire que donne la musique, joue la musique. Quand tu joues la musique, et puis il entre en action. D'autres restent debout. Il dit avance, toi, il va te dire quelque chose. Tu avances, il dit quelque chose. Après, un temps, l'autre il parle. Il se tourne là, il dit que tu ne mourras pas. Sans qu'il y ait des sensations. Des questions? Frère, vous avez compris? L'être humain n'est pas dans l'état d'ivresse par lui-même. Ce qui cause l'ivresse, c'est lui qui le met. Il le met au fur et à mesure, Il le met au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il soit ivre. Vous comprenez cela? Obéissance. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous comprenez, frère? On est en route, on est en train de travailler. Vous voyez, les gens tombent. Et ce sont les démons qui sont remplis du Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas comprendre cette église que Dieu a envoyée. Vous voyez, les gens. Posez des questions, on va qu'elle nous dise des choses aussi. Des questions? Il peut maintenant répondre à ta question, mon cher. De notre nouvelle naissance. Lis le verset 6 du chapitre 3 de. Le verset 6. Le chapitre 3 de Jean. Frère Arnaud. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Oui. Vous y êtes, tout le monde? Donc la nouvelle naissance concerne quoi? L'esprit. Ok. Donc qui fait naître? Dieu. Il fait naître. Comment? C'est-à-dire qu'on met un tableau, un écran, on t'explique comment l'esprit humain a été coupé et tu es mort depuis l'enfance. On t'explique ça du matin jusqu'au soir. en passant par les lois de Moïse et par la suite. Maintenant, quand vous comprenez tout ça, vous êtes né de nouveau, c'est ça? Non. C'est qu'il vous faut la repentance. Que si on vous explique vraiment tout ça, vous comprenez. La compréhension doit venir de qui? Dieu. Vous pouvez entendre et vous croyez que vous comprenez. Vous croyez même que vous avez cru. Alors que la vraie croyance que vous avez cru là, ce n'est pas la vraie croyance. Donc la nouvelle naissance vient de qui? Dieu. Ça veut dire ceci. Prenez Romains chapitre 10. Notez Romains chapitre 10, puis Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, Romains chapitre 10. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le travail dont je vous ai parlé, du travail, c'est par rapport au cœur. Vous avez commencé, mais vous avez laissé. On a commencé. J'ai commencé. J'ai dit quel livre déjà? Romains, chapitre 10, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Vous avez ouvert Romains chapitre 10. Vous avez ouvert également Éphésiens chapitre 2. Mon cher, comment tu t'appelles? Alex. Alex. Lis-nous Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous avez entendu cela? Mais là, ça c'est Romains chapitre 10, verset 17. Depuis le verset 14, il pose la question. Comment croiront-ils sinon à ceux qui n'ont pas entendu parler? Donc, on doit entendre parler de quelqu'un. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit, ainsi de suite, d'accord? On peut dire ainsi, pour que la foi vienne, il faut que quoi? La vienne, ça vienne par quoi? Par la parole. Entourez le mot parole là-bas. Voilà, vous avez entouré. Il dit bien entouré le mot parole dans cette phrase de Romains 10 là. Bon, ici, l'apôtre Paul dit donc que la foi vient par comment? Par la parole qu'on entend. Par la parole. Maintenant, Jean lui dit quoi? Au commencement était là, et la parole était avec Dieu. Ce n'est pas la même chose dont on a de parler. N'est-ce pas, frère? Donc, la parole dont on parle ici dans Romains chapitre 10 n'est pas la même parole dont on parle dans Jean. Parce qu'en français, c'est écrit parole. Mais en grec, là-bas, dans Jean chapitre 1, c'est logos qui est là-bas. Logos, le verbe. Le verbe. Le verbe. Logos. Et ici, maintenant, dans Romains chapitre 10, il est question de rhéma. N'est-ce pas? Amen. Donc, maintenant, si vous lisez en français, vous voyez parole ici, parole ici. Vous croyez qu'on a dit que la foi vient de ce qu'on entend, la parole de quoi? De Christ. De Christ. Maintenant, si on lit bien, on dit donc la foi, pour que la foi vienne. Lorsqu'on a été prêché, souvenez-vous depuis le verset 14. Comment croiront-ils? Pour que tu puisses croire. En fait, on croit, pour être justifié, on croit pas là. La foi. Et on doit croire à la parole. Et là, il dit, donc, au verset 14 du chapitre 10 des Romains, il dit, comment donc croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Donc, il faut qu'on te parle de quelqu'un. Et on parle là du Seigneur Jésus. Donc, on doit te parler du Seigneur Jésus pour que tu crois en lui. Et ici, au verset 17, il dit que pendant qu'on a parlé de lui, la parole là, il doit avoir le rhéma dedans. Pour que la foi vienne. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, si on te parle de Jésus, parce qu'on parle de Jésus partout, dans le bar, vous voyez, les gens, on met le bar, on met les chaînes de télévision chrétiens, on parle de Jésus. Il dit que quelqu'un boit comme ça, il dit bande de faux types. Pas vrai, frère? Mais, un être humain de passer quelque part, pour s'asseoir comme ça, pour moi. On dit seulement qu'à toi, on a des adresses là-bas, tout le monde est assis sur le bar. Il dit toi. Il dit c'est à moi qu'on s'adresse. Et a fait effectivement, le Saint-Esprit a s'adressé à lui. Ça, pour lui, c'est quoi? Le rhéma. Où est là, n'est-ce pas? Voilà. Alors ici, on dit, pour que tu sois sauvé, pour que tu croies dans ces depuis. Parce que depuis, écoutez, ça, il va encore remonter plus haut. Au chapitre 10, donc, se trouve dans le verset, regardez, à partir du verset 4 jusqu'en descendant au verset 9. Il dit que c'est la même foi que nous prêchons là, cette parole-là, c'est aussi chez eux là-bas. Il dit que nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Mais là, au verset 9, il dit donc que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, ah mon Dieu, il faut qu'on arrive ici là maintenant. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Permettez qu'on arrange encore quelque chose là maintenant. Vous permettez qu'on arrange cela. Voilà, donc voici le verset donc, que les gens utilisent pour justifier le fait que quand vous parlez de l'évangile à quelqu'un, il faut le faire répéter que Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur, mon sauveur. Le verset qui est en bas, le verset qui est en bas montre que quelque chose ne va pas. Regardez, il dit, écoutez, vous permettez que je parle vraiment doucement, n'est-ce pas? Donc le Romains chapitre 10, verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Soulignez, si tu crois dans ton cœur. Ok, vous y êtes. Maintenant, puis dit que c'est car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au. Et c'est en croyant du cœur qu'on. Et c'est en confessant de la bouche qu'on. Il y a justice, il y a salut. Le cœur a sa part, la bouche. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc pour parvenir à la justice, ça se passe où? C'est pour cela que Dieu a fait que tout cela, que ce soit dans un endroit où l'homme ne peut pas contrôler. Que ce soit lui seul qui contrôle tout cela. Il dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je crois qu'il va falloir qu'il prenne vraiment le temps pour ceci maintenant. Maintenant, regardez le verset 13. Selon qu'il est écrit quoi? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Je veux que vous entourez quiconque et puis on avance. Je crois que franchement, il faut qu'on en parle. Quiconque, normalement, quiconque, ça veut dire n'importe qui. N'importe qui, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Là, l'apôtre Paul cite le livre de Joël, chapitre 2, verset 32. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Normalement, si on s'arrête là-bas, c'était suffisant pour comprendre que non. Si je suis dans le problème, j'invoque le nom du Seigneur. Là, les interrogations vont commencer à apparaître. C'est tandis que normalement, si on prend les interrogations depuis le verset 17, si en remontant, on va voir vraiment, effectivement, la sottise qu'on fait aujourd'hui en faisant que les gens confessent. Parce que là, maintenant, après dit maintenant, du verset 13, il dit, quiconque confessera le nom du Seigneur, confessera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, si on confesse le nom du Seigneur, on fait appel au nom du Seigneur, on est sauvé. On s'attend à ce qu'on dit, Seigneur Jésus, sauve-moi et tu es sauvé. Ça ne se passe pas comme ça parce que plus haut, il a dit que pour que la justice arrive à toi, il faut que ça soit dans ton cœur. Maintenant, le problème du cœur, c'est que en réalité, ce n'est pas toi qui fais que ça entre. C'est ça le vrai problème. Éphésiens chapitre 2. Ne fermez pas Romain. Ne fermez pas Romain parce que je vais expliquer. Vous allez tourner l'évangile n'importe comment. Tourner la Bible n'importe comment. Vous allez tourner et revenir tout simplement à un seul objectif. À cette seule conclusion. C'est que c'est Dieu qui fait naître de nouveau. Et tout dépend de lui. Vous tournez n'importe comment. Parce que si vous avez là un mécanisme pour faire naître les gens de nouveau, c'est que Dieu a donné deux mécanismes. Un, que celui qui fait naître. Parce qu'on avait compris que celui qui fait naître de l'esprit, c'est lui. Et la façon de faire naître de nouveau, ça dépend de lui. C'est lui qui fait naître de nouveau. Et là se trouve donc maintenant le problème que les êtres humains utilisent pour faire naître les gens de nouveau. On a un problème, frère. On a un problème. Très sérieux. On a un problème. Alors, sinon, si tu peux confesser de la bouche en disant que Seigneur, tu reçois comme mon Seigneur, mon sauveur. Et je crois. Tu crois que les étudiants de mort, oui, je crois. Tu parles. On dit que tu es né de nouveau. Ce n'est pas comme ça. Maintenant, regardez. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Allons-y, mon cher. Verset 8, d'abord. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Oui. Par le moyen de la foi. Oui. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ça devient un problème maintenant, encore une fois de plus. On est sauvés comment? Non, non, non. Regardez les versets bibliques. On est sauvés comment? Par la grâce. Et par quel moyen? Voilà. Ça veut dire que si vous êtes sauvés, un, c'est par grâce. C'est-à-dire que vous ne méritez pas être sauvés. Quelqu'un ne dira pas qu'il méritait être sauvé et l'autre méritait être perdu. N'est-ce pas? Sur cette base-là, c'est la grâce. C'est une faveur que tu ne méritais pas maintenant. Sur cette base de l'homme, ok, ça veut dire qu'on est sauvé par grâce. Maintenant, quel est le moyen par lequel tu entres dans cette grâce? Quel est le moyen? Par quel moyen on t'a fait sortir des ténèbres pour que tu entres dans cette grâce-là? Par le moyen de la... Ça vient de qui? De Dieu. On dit que, et cela ne vient pas de vous. Donc, vous n'êtes pas la source de la foi. La source de la foi se trouve du côté de Dieu. Amen. Donc, comprenez ça attentivement. Donc, vous dites, je suis sauvé par la foi. C'est toi qui avais la foi. Il faut qu'il t'accorde la foi. Et cette foi dont il a dit t'accorder, c'est ce que la Bible a dit, dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si tu te donnes une parole dans ton cœur qui va créer quelque chose à l'intérieur de toi pour que tu acceptes le Seigneur, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Amen. Nul. Nul ne peut venir à moi. Donc tu es comme ça quelque part. Si Jésus laisse quelqu'un, que trouvez-moi, personne n'a le trouvé. Vous allez lire les informations dans la Bible sur lui. Lis les histoires de National Geographic. Lis que dans la Bible, Pilate l'a crucifié. Pleurez de votre larme sans le trouver toujours. Parce qu'on ne vient pas en prenant connaissance des toutes les actions qu'il a faites pour nous. Oh, Christ est mort à la croix pour nous. Dans Ésaïe 53, on avait dit qu'il devait nous mettre au mur de gueule. Tu vois, tout ça est classé. Ça ne fait pas pour autant que tu entres. Amen. Vous me suivez, frère? Amen. Alors, donc, Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Puis il dit, par le moyen de la foi. Il explique que cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Donc, Dieu donne quoi? Quel don? Pour que vous fassiez comment? Pour être sauvé. Donc, il n'y a rien en fin de compte que nous fassions pour être sauvés. Rien. Notez Actes des Apôtres chapitre 16. Actes des Apôtres chapitre 16, verset 13 à 15. Actes des Apôtres chapitre 16, verset 13 à 15. Regardez très attentivement dans ces Actes des Apôtres. C'est un exemple parfait de ce qu'on en est de parler. Regardez, si vous lisez Actes des Apôtres, laissez, je vais citer, vous allez vérifier parce que vous allez commencer à tourner là. Dans Actes des Apôtres chapitre 16, la Bible déclare que Jean-Paul et Pierre et autres, là, quand ils partaient dans un lieu de prière. Ils cherchaient tout autour à côté de la Bible, ils cherchaient un endroit pour un lieu de prière. Là, ils ont trouvé un groupe de femmes à Thyatire. C'est à Thyatire, ouais, le centre de vente des pains et des femmes qui font le Bayam Salam là. Ils étaient là comme ça, ils ont rencontré ce groupe de femmes. La Bible déclare que l'apôtre Paul a commencé à parler. Il y avait un groupe de femmes. L'apôtre Paul a commencé à parler. La Bible déclare l'une d'elles, qui s'appelait Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Je vous pose la question. Elle était seule là-bas? Non. Elle a mérité qu'on ouvre son cœur? Non. Elle connaissait la porte de son cœur? Non. Mais qu'est-ce que le pasteur de Jude fait? Vous qui m'écoutez, ouvrez votre cœur. Disposez votre cœur au Seigneur. Toi-même, quand tu es seul dans ta chambre, dis bien seul, il n'y a pas de bruit. Tu te concentres, tu vois que tu penses qu'à l'argent. Comment tu vas faire pour disposer ton cœur? Il dit bien, vous restez tranquille. Souvent, il parle comme ça, je ne parle pas. Pendant que je ne parlais, il fait ma main comme ça. Quelqu'un regarde sa marque d'habit. Donc, je ne parlais de la foi. Il regarde que son habit, si on a cousu ça, où regarde, c'est tordu là-bas. Le bouton n'est pas bien droit. Dans la pensée, je suis en train de suivre quelqu'un. Je suis en train de parler mes choses. Il est en train de parler de mon marque d'habit. Ce n'est pas la personne qui fait. Parce qu'en réalité, le cœur ne peut pas rester neutre. On pense au travers de nous. Et on pense en nous faisant croire que c'est nous qui pensons. Alors qu'on a des pensées sur nous. C'est pour cela que si le cœur n'est pas palpé, arrêté par le Saint-Esprit pour contrôler. On est exactement comme les animaux. N'importe quoi nous traverse. N'importe quoi nous traverse. Alors, ici, la Bible déclare que le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie afin qu'il fût attentif à ce que disait Paul lorsqu'elle y crut. Vous avez vu cela? Donc, Dieu a disposé la porte de Paul, ouvert le cœur de Lydie, envoyé la parole qui devait être envoyée dans son cœur pour qu'elle soit sauvée. Lydie n'a rien fait, donc ce n'est pas grâce. La parole vraiment est venue pour lui produire la foi, pour qu'elle puisse croire au Seigneur Jésus-Christ annoncé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bon, maintenant, comment on peut justifier en disant que, ok, levez la main, parce que Romains chapitre 10, verset 9 dit que si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus, que tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a signé dans le monde. Mais curieusement, aucune personne, même la personne qui en a écrit ça, n'a pas fait ainsi. Or, la Bible déclare que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et on dit, tu ne peux pas croire par toi-même sans que Dieu ne te donne la foi à l'intérieur de croire. Vous comprenez, non? Donc, et pour que cette foi-là vienne, la foi n'est pas une force. Ce n'est pas une force qui vient te taper, boum! Vous comprenez ça? C'est le nettoyage des voies intrinsèques qui étaient à la base mises par les choses du monde. Et puis, la mise en place de la parole esprit. C'est ça qui produit cela. Vous suivez, n'est-ce pas? C'est ici que ça se passe. Donc, la foi, c'est pas quelque chose que... Ah, c'est pour ça que vous allez dire à quelqu'un que tu crois que je peux prier pour toi. Vous pensez qu'il va dire non? Allez à l'hôpital, vous voyez quelqu'un que ses pieds sont en l'air comme ça. Que tu crois, quand c'est le marabout qui vient, que tu crois, il dit quoi? C'est pour ça que tu viens au chevet de lui, tu vois la boîte de remède de Marie, tu vois de ce côté le Coran, tu vois la Sainte Bible de ce côté là-bas. Le marabout vient de dire ça, il a dit que oui, je crois. Celui de... le témoin de Jéhovah vient de dire que oui, je crois. Oui, je crois, il vient de dire que fais ce que tu as fait pour me sortir de cette situation. Parce que pour que la foi vienne, il faut que ça vienne de la part du Seigneur. Amen. Elle n'est même pas produite cela. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 8, qu'à Lystre s'est tourné un homme important de pied depuis la naissance. L'apôtre Paul parlait. Ah, c'est l'un des versets, mes meilleurs versets favoris de la Bible ici. Il parlait, il est en train de parler de la part du Seigneur. Il parle de la part du Seigneur. Puis il se tourne. Et la Bible déclare, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Je veux que vous m'expliquiez ceci à l'école de théologie. Vous ne vivez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que la foi, ça ne se voit pas avec vos yeux-ci. Vous savez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Donc, quand l'apôtre Paul était là, avant qu'on retrouve ce monsieur-là, à Lystre, ils avaient les traditions. Tout ce qu'on avait à faire, c'est de le poser, de le mettre là-bas. À cet instant, quand il a parlé, parce qu'il arrivait à un niveau, quelque chose s'est passé que nous connaissons. Il s'est retourné vers lui, il a vu cette chose-là en lui et sur lui. Et donc maintenant, c'était une indication pour montrer que maintenant, il peut aller prier pour lui, il peut le commander qu'il s'élève. C'est ça donc, voir qu'il a la foi pour être guéri. Il y a une indication. Tu as foi en Seigneur Jésus-Christ? Oui. Demain, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est un Seigneur, c'est Kako Philippe. L'autre là qui confesse là, c'était quoi? Point quelqu'un, tu peux croire. Tu peux croire. Vous savez, n'est-ce pas? Vous entendez, un jour, elle s'est baptisée, comment ça s'appelle cette femme de Bénin là? Bofamé ou c'est Bifamé ou c'est quoi là? Comment ça s'appelle? Banamé. Il y a une femme au Bénin, elle dit qu'elle est Dieu le Père. Elle est Dieu le Père. Elle a plusieurs millions de fidèles. Elle a son propre pape. Un de ces justement va dire qu'elle part à Rome maintenant pour renverser le pape là. Qu'est-ce qui arrive? Vous allez regarder les personnes ici. Oh, nous croyons à la Sainte Très Vierge Marie et la Sainte Église de Christ. Nous croyons à Jésus-Christ de Nazareth. Banamé vient dire que c'est elle qui dit le Père. Il dit oui, c'était voici. Donc la personne qui croyait qu'elle croyait. C'est pour ça que la confession de la bouche n'a pas de valeur. Il faut que l'œuvre de la croix se produise d'abord dans le cœur. Alors, donc, ça veut dire qu'en définitivement, prêcher comme ça, parce qu'il y a des gens, je crois que c'est encore du moment de me poser la question, donc ça veut dire que quand tu finis de prêcher, tu laisses les gens comme ça, et tu voudrais qu'ils fassent quoi d'eux? Parce qu'ils sont habitués à dire, ceux qui veulent accepter Jésus, lève la main. Bon, vous voyez maintenant, quand on s'assoit dans la foule, c'est celle qui a amené celle-là, dit que lève la main. Lève la main, donne ta vie à Jésus. On te coude comme ça, comme ça fait mal, et où est le témoignage comme ça? Il dit qu'il m'a forcé à donner ma vie à Jésus, il ne veut pas lui donner. Quelqu'un dit que je ne veux pas lui donner la vie à Jésus. Il a forcé qu'il donne ma vie à Jésus. Alors maintenant, elle aussi se lève la main, tu te déranges. On dit que c'est très bien. Quand tu as levé la main, tu as fait ce pas-là, c'est bien. C'est toi, c'est pour toi que c'est bien. Jésus connaît ses enfants. Parmi ses mains levées, il peut avoir 5 mains. Il a 2 personnes qui l'ont déchiré dedans. Vous savez ça, n'est-ce pas? Alors donc, il n'y a pas de verset biblique pour dire que les gens répètent que Seigneur Jésus entre dans mon cœur. Mes frères, vous sentez votre cœur battre, c'est lui qui entre. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça se passe. Vous ne verrez pas ça dans la Bible. Puisque la personne qui a écrit Romains 6, chapitre 10, c'est lui qui était sur la route pour aller persécuter les chrétiens. N'est-ce pas? Lui, quand il est sauvé, là, il a confessé à quelqu'un. Comment il était sauvé? N'est-ce pas? Il est tombé aveugle là-bas. Le lendemain, on est quelqu'un venu 3 jours après. Il dit que Saul, mon frère. Écoutez, Saul, mon frère. Écoutez ça, frère. Quand il calait Jésus dans la chambre, il a dit que Seigneur, peut-être tu n'as pas bien converti celui-là. Cet homme. Il a appelé quoi, frère? Cet homme. Cet homme a le pouvoir. Tu m'envoies vers lui, comme il va me lier à Mina. Mais quand il vient, quand il a compris que quelque chose s'est passé, il arrive. Il dit Saul. Mon frère. Le langage a changé. Saul est né de nouveau. Amen. N'est-ce pas, frère? A-t-il resté confessé quelque chose? Non. Alors. Romains chapitre 10, verset 17 dit, car, Romains chapitre 10, verset 17, il dit, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et là, nous nous trouvons dans un problème où en français c'est écrit parole. Et le mot parole là-bas veut dire rhéma. Donc, la foi doit venir du rhéma que Christ a donné. Donc, on annonce Christ, à un moment donné, le rhéma sort pour produire quelque chose dans ton cœur, justifiant ton cœur pour que tu comprennes que le crucifié est ton Seigneur. Et là, tu es sauvé. Point. Fin de citation. Là, quand tu es sauvé à l'intérieur, là, quand ça se produit à l'intérieur de toi, si je quitte la scène, comme Philippe a quitté l'enceinte, la Bible déclare que l'ennemi éthiopien, il a cherché, il n'a pas vu, il n'a pas dit que le type s'est disparu, il n'a pas voulu chercher à casser sa tête. Que le type c'était un fantôme, il est sagé, c'est normal. Il a posé cette question, frère. La Bible déclare qu'il a continué sa vie joyeuse. Qu'il est disparu, qu'il est allé l'impôt de ses sons. C'est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Après que on t'a forcé, tu laisses Steph ton nom, on dit avancez-vous à l'hôtel. Pointe quelqu'un. Dis, il n'y a pas d'hôtel chez les chrétiens. Vous ne trouverez pas ça dans le Nouveau Testament. Vous n'en trouverez pas un endroit, un pupitre ou un hôtel où les gens prêchent. Viens, prosterne-toi à l'hôtel là-bas. Parle au Seigneur. Donc le Seigneur se trouve à l'hôtel. Pointe quelqu'un, dit le Seigneur est esprit. Il n'est pas dans un pot de fleurs. Ou sur un canapé orné en rouge et en bleu. Peintement en blanche. Avec une chaise pour lui seul là-bas. Que personne ne monte sur cet hôtel. Voilà. Dieu est esprit. Amen. Il tabernacle dans nos cœurs. N'est-ce pas? Ok. Depuis qu'il a déchiré le lieu saint, le lieu très saint, depuis qu'il a déchiré ça, il ne tabernacle plus dans des temples faits des mains d'hommes. Depuis cela. Depuis que le Seigneur a dit, Élie, Élie, là-bas, ça va t'aller. Quand le tonnerre fait crom, traverser au-dessus de lui, et que cette obscurité l'a fait, il a fracassé la terre, ouvert le rocher. Quand il a déchiré ce rideau, les pots de feu sont saccagés. À cet instant-là, il a déclaré que j'habiterai maintenant en eux. Où c'est ça, frère? Alors, ce qu'il veut dire, c'est ceci. Quand la voix de Christ passe, la voix de Christ passe au travers d'un prédicateur, ce qu'on appelle Réma, et que ça nettoie, ça te nettoie le cœur, et ça te convertit. Donc, à cet instant, on dit que frère, que tu es converti. Et quand tu es converti de cette façon, le rôle du prédicateur est terminé. Il a été comme un instrument. Dieu t'a converti. S'il quitte la scène, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Avance. Il y a des listes préconçues. Nom, prénom, explication de ton nom. Bonataka dans ce photo. Faut changer ton nom. Ton nom veut dire que ceux qui souffrent. Faut changer. Toi-même, quand ta mère te mettait le nom là, tu as accepté quoi? Quand il était enfant, il devait accepter. Il devait faire comment? Vous voyez qu'on a des problèmes sur la tête, n'est-ce pas, frère? On est combien de copines que tu as eu? Tu regardes le but comme ça, tu dis que les gens se me veulent aussi sur la tête. Que tu as eu combien de copines? Tu sais que si tu écris là comme ça, on va dire que hey, toi là, tu es dangereux. Tu mens un petit 7 et demi. N'est-ce pas, frère Arnaud? Et puis tu arrives quelque part, il a dit profession, tu dis que mince, salaire mensuel. Qu'est-ce que tout ceci a à voir? C'est une entreprise. Tu es en train d'une entreprise, il faudrait même le sortir rapidement. Si vous voulez vivre la vie de la foi, c'est comme la Bible le dit. Vous comprenez? Voilà comment on prend. La Bible déclare qu'on parcourt ciel et terre. Pour venir prendre, on prend les gens comme les pour faire les procédés. Et quand on les met en prison, brigade pour l'enfer. Et là, regardez, l'apôtre, quoi, l'évangile de Philippe, quand l'aîné éthiopien a été baptisé, la Bible dit que cette expression, l'esprit enleva Philippe et ne le vit plus, veut dire qu'après qu'on ait fait ce que l'évangile nous dit d'annoncer, que baptiser quelqu'un, le reste appartient au Seigneur. Il n'a pas dit que, ok, si c'était aujourd'hui, les prédicateurs que je connais aujourd'hui, on dit que c'est le premier ministre, c'est le ministre des Canas, c'est le ministre des Finances. Vous comprenez ce qu'il veut dire, non? Ministre de quoi? Monsieur le ministre, pense à tes dîmes et à tes offrandes. Ton salaire peut être d'avril de combien? N'oublie pas, voici mon contrat, voici ma carte professionnelle, j'ai mon bureau à Jérusalem. Chaque fois quand tu viens maintenant, n'est pas plus dans le temps. Les pharisiens sont le menteur, c'est chez nous. Philippe ne lui a pas demandé quand est-ce qu'il va venir. Il a posé la question sur comment il va faire là-bas. Il n'a pas posé la question que quand tu pars là-bas, sache qu'en Éthiopie, il n'y a que les cultes des idoles. Comment tu vas faire? Quand il était d'abord dans le désordre de rentrer, il connaissait qu'il était là. N'est-ce pas le Seigneur qui l'a dit, qui lui a dit descendre à Gaza sur le chemin qui descend à Azor, ce qui est celle qui est désert, parce qu'il y a deux chemins. Le chemin qui est désert, c'est pas lui qui a dit annonce, approche-toi de ce char. Il a approché, Dieu s'est tué. Regardez bien. Quand l'ange a dit approche-toi du char, parce que l'évangile doit être prêché par les hommes. Alors quand il a dit approche-toi de ce char, tout le ciel avait l'attention sur eux. Amen. Les anges disaient plongeaient leur regard. Toute l'attention du ciel était là. Parce qu'il faut que les gens. Vous voyez, l'autre attache à sa ceinture pour danser. Prêt. Parce qu'on a dit qu'il y a de la joie pour une seule âme qui se répand sur la terre. La musique s'organise dans les cieux. Ah, que Dieu nous donne de telles personnes. Alors quand l'ange a dit que. Hey, gardez-vous! Les gens sont comme ça. On entend seulement comme que c'est quoi? Quand c'est convenu. Alléluia. Amen. Mais quand Philippe fait comme ça, là, quand il y a la joie dans la salle, il est encore sur ça. Non. Non. Vous avez vu, il a posé la question à Candace, c'est que si elle vient un jour là-bas, tu vas me recevoir dans ton palais. Il a dit que dis à la reine que souvent il me reçoit souvent. Non. Aujourd'hui, vous entrez dans une assemblée, vous allez voir, quand vous le voyez, vous comprenez seulement qu'il ne faut pas l'attaquer. Vous voyez un colonel là-bas avec 4 bars, 5. De l'autre côté là-bas, c'est un avocat. Là-bas, c'est le fils de ministre. Tente de dire quelque chose avant de sortir, avant que le semi est venu te prendre. N'est-ce pas? Les prédicateurs dites de l'esprit avec des gardes sur la chair. Prédicateurs dites de l'esprit avec le bras de la chair comme protection. Tu vois, security. Derrière, le gros bras. Tu sais comment il manque. On est allé chercher le porteur des fers chrétiens. Porteur des fers chrétiens. Tu fais quoi? Il fait le bodybuilding chrétien. Qu'est-ce que le bodybuilding a à voir avec le chrétien? Bodybuilding. Que Christ nous met avec le garde du corps. Il dit c'est quoi? Il dit tu n'as pas vu que l'apôtre Pierre a sorti le couteau pour tuer quelqu'un. Voilà sa part de garde du corps. Il est allé voir ça dans la Bible. Il a aussi fait sa part. Voilà l'évangile que nous avons aujourd'hui. Alors l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, verset 9 dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que tu le ressuscites d'entre les morts, tu seras sauvé. Si on s'arrête là-bas et qu'on comprend comme les gens sont en train de comprendre, l'apôtre Paul lui-même n'est pas sauvé. Si on s'arrête là-bas et qu'on comprend la façon dont les gens comprennent ces versets-là aujourd'hui, ça veut dire que lui-même n'est pas sauvé. Parce que ce n'est pas le moyen de salut, cela. Nulle personne dans la Bible n'a fait des choses, pas vrai? Alors qu'est-ce qu'il en a de nous dire? Il en a de nous dire en réalité, parce qu'au verset 13, il dit: car quiconque confessera le nom du Seigneur sera sauvé. Puis il pose la question au verset 14: comment donc invoqueront-ils celui en qui il n'a pas. S'ils n'ont pas entendu parler, donc comment vont-ils croire? Il faut qu'on parle. N'est-ce pas? Amen. Et pour que quelqu'un parle, il faut que ce soit la personne envoyée. Si ce n'est pas la personne envoyée, tout ce que tu crois, c'est ton problème. C'est ça le vrai problème maintenant. Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ils doivent être envoyés. C'est pour ça que les prédicateurs sont envoyés vers les gens. Moïse est envoyé vers un peuple bien déterminé. Élie est envoyé vers un peuple bien déterminé. Élisée est envoyé. Quoi? Jérémie est envoyé bien déterminé. L'apôtre Paul, comme on a lu dans 2 Corinthiens chapitre 10 tout à l'heure, il a une limite bien déterminée. Chacun a une limite. Il y a des gens sur la terre, quand le nombre sera terminé, je partirai. Vous me comprenez, frère? C'est comme ça. Chacun va entrer avec le groupe. Si tu es prédicateur envoyé, tu es entré avec ton groupe. On va voir les shapes. Selon les instructions que le Seigneur a données. Il dit, du moins, ce qu'on attend de chaque prédicateur, c'est que chacun soit trouvé quoi? Fidèle. Vous comprenez, frère? Alors, lorsque tu es envoyé, la Bible déclare, selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ils doivent venir par la grâce de Dieu pour pouvoir appeler les gens à lui. Et donc, car la foi vient, il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. On entend de qui? Des gens qui sont envoyés. Parce qu'ils sont envoyés pour prêcher, pour que les gens entrent dans le royaume. Tite chapitre 1, merci Père. Tite chapitre 1. Pour comprendre cette bonne illustration, et quoi qu'on va revenir c'est dans le livre de Tite, dans son étude, on va voir ce qu'il en est. Tite chapitre 1. Tite le chapitre 1. Lisez-moi le verset 1 et 2. Bon, frère Soli, nous savoir à haute voix. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la reconnaissance de la vérité qui est selon la piété. Oui. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne manque point. C'est terrible. Donc, regardez comment il se présente. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ. Continuons. Pour la foi des élus de Dieu. Soulignez, pour la foi des élus de Dieu. Donc il sait exactement c'est pourquoi il est sur la terre. Apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu. Donc il est venu pour faire quoi? Pour prêcher pour que les élus aient la foi. Les élus, pas n'importe qui. Ils prêchent, les élus entendent, ils entrent. Pour apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu. Ce que Dieu a élu. Ce que Dieu a élu. Va les chercher. Oui, effectivement, ils viennent trouver ces groupes de femmes-là. Ils parlent, Lydie entre. Il va en prison, le tape, il parle. Quoi? Le gelé entre. La foi des élus de Dieu. Et puis, il peut donc dire aux Thessaloniciens que nous savons que vous avez été élus de Dieu. C'est par quoi il vous a appelé par notre évangile. Il dit, nous savons cela parce qu'il sait effectivement dans quel ministère il se trouve. Dans quel sillage il se trouve. D'accord? Ainsi, un, pour qu'on naisse de nouveau, ça ne dépend pas d'un être humain sur la terre. Même si tu jeûnes, tu pries, on ne jeûne pas pour prier pour naître de nouveau. Ça doit venir d'en haut. La décision doit venir d'en haut. Tu dois avoir été programmé pour naître de nouveau dans le programme de Dieu. Tu dois avoir été programmé pour naître de nouveau. Donc quand vous entendez, on dit que sortons pour aller prêcher parce que les âmes périssent. C'est le mensonge. Les âmes ne périssent pas. Aucune âme du Seigneur ne périra. Aucune. Aucune âme de notre Seigneur Jésus-Christ ne périra. Parce qu'il a dit, si vous lisez bien la Bible et vous lisez de la bonne façon, vous lisez vraiment bien. Après qu'il ait donné par rapport, allons-y dans le livre des Jean, prenons le livre de Luc chapitre 17. Écoutez très attentivement ce que le Seigneur va dire là. Qui peut me lire ça de façon avec les bonnes ponctuations? Qui peut vraiment lire? Qui est un bon lecteur à l'école? Quand on demandait qui va lire, chacun s'est baissé, il était caché derrière l'autre personne comme ça là. Frère, tu étais un bon lecteur. Tu te débrouillais. Tu étais l'adjoint du premier, non? Allons-y alors, à partir du verset 1, écoutez très attentivement. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Oui. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il te pardonne, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de senevé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie des troupeaux lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sers-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? De même. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites. Nous sommes des serviteurs inutiles. Arrêtons d'abord là-bas. Les apôtres ont demandé quoi? Augmente la foi. Il a dit quoi? Il a augmenté. Augmente-nous là. Cette bêtise que les apôtres ont faite, les gens continuent à faire ça aujourd'hui. Ils disent, augmente-nous la foi. Jésus dit, une grande foi n'est pas suffisante, n'est pas nécessaire. C'est la réponse qu'il leur a donnée. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un une très grande foi. Vous avez vu un verset là-bas où on a demandé une grande foi à quelqu'un. Il demande plutôt quoi? Une petite. Comme un grain de senevé. Le grain de senevé, quelle quantité, frère? Quel millimètre? Donc, il dit qu'on augmente. Jésus dit qu'on n'a pas besoin de cela. Parce qu'en réalité, la foi vient en fonction des épreuves. Amen. La foi vient en fonction des épreuves. D'accord? Amen. Matthieu chapitre 15. Gardez à l'esprit, lorsque vous avez fait ce qu'il vous a commandé, vous de même. Lorsque vous avez fait ce qu'il vous a commandé, dites-vous que vous êtes des serviteurs inutile. Matthieu chapitre 15. On y va. Prenons le verset 36 et au 39. Verset 36. Vous connaissez l'histoire des pains, n'est-ce pas? Comment il est produit? En prenant un pain, ou bien 5 pains, ou bien 2 pains en multipliant. Comment? Par la parole. Par la parole. Donc il prend la parole que pain multiplie, toi, le pain se multiplie. Vous avez un anneau, il a dit que pain multiplie la parole, le pain. Comment il prend? Il finit, il rend grâce et il rompt. Puis il dit, distribuez-les. Qu'est-ce qui multiplie le pain? C'est-à-dire qu'on te donne à frère de nos seigneurs, il dit prends le pain, c'est prends, donne, va donner. On te donne deux pains, qu'on va donner à 5000 personnes. Toi, tu pars, tu te donnes, ça ne fait que de sortir. Ça sort ou dans, c'est entre tes mains. Mais regardez, toi, tu n'as pas confessé que je confesse maintenant par la foi qu'il y a le pain. Il confesse par la foi qu'il y a le pain. Mais le pain est là. Regardez ce qui se passe au tombeau de Lazare. Il dit que j'étais lourd de ce que tu m'as exaucé parce qu'il sait que tu m'exauces toujours. Puis il dit Lazare, sors. Qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer? Donc en clair, ce qu'il veut vous faire comprendre tout simplement ce soir, c'est que lorsqu'on dit Seigneur, entre dans mon cœur, il entre dans le cœur. Il n'a pas dit que c'est pas comme ça que ça se passe. La nouvelle naissance est spirituelle. Et c'est celui qui est en haut qui fait naître de nouveau. Et le mécanisme par lequel il fait naître de nouveau, c'est pas la foi. Ça ne dépend pas de toi, c'est un don de Dieu. Donc, quand il décide de faire un don à quelqu'un sur la terre pour faire de nouveau, il le fait naître de nouveau. Il peut donc déplacer un prédicateur d'un lieu à un autre pour aller le faire naître de nouveau. C'est ce qu'il a dit dans la Bible et c'est ce qu'on voit dans la Bible. Contrairement maintenant, il n'y a pas nulle part dans la Bible. Parce qu'il y a des gens qui pensent effectivement, comme on m'a dit en Côte d'Ivoire, donc tu finis prêcher comme ça, tu laisses les gens comme ça, ils partent. Il dit oui. Le père l'a bougé la tête comme ça, ça ne marchait pas dans sa tête. Parce qu'il est habitué à voir, ferme tes yeux, mets la main sur ta poitrine. Il dit, ok, moi je te pose la question. Tu peux me donner la certitude que ceux qui ont mis la main sur la poitrine et qui ont bavardé, ça sont nés de nouveau. Il dit, on ne peut pas savoir. Il dit, ok, si son sang, combien sont chrétiens? Combien? On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. C'est comme, il causait un pasteur. Il m'avait appelé, il a dit que frère Junior, tout ce que tu prêches est vrai. Il a parlé de baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et le baptême au nom du Père et du Saint-Esprit. Il dit que moi, ce que tu dis est vrai parce que je vois que tout le monde a été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Mais j'ai peur de faire comme ça et que Jésus vienne me dire que j'avais dit ça ou il avait dit ça. Donc lui, il a peur que Jésus vienne me dire qu'il fallait prendre ce qui sort de ma bouche. Ça, c'est un, c'est ce qu'il m'a dit. Puis il me dit que, est-ce que tu sais pourquoi nous baptisons donc, après avoir fait les baptêmes, ça peut être qu'on appelle les écoles, les cours de baptême. Il dit non. Il dit, il faut qu'on voit, on est sûr vraiment que la personne est convertie. Il dit, hein. Donc Dieu vous a donné le thermomètre de conversion. Au point où il a Dieu, vous pouvez prendre la place de Dieu pour savoir maintenant que quelqu'un a converti. Ok, il dit, tu vas suivre jusqu'à quand? Il dit, même 3 mois. Il dit, ok, si c'est au 5e mois qu'il va dégamer. Après que tu aies fini, tu fais 3e mois. Tu le vois un jour au bar en train de boire coco, il te boit, il cache la bière, il dit que tu es converti. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Hein, n'est-ce pas? Dieu n'a pas donné l'autorité à l'être humain de suivre un autre être humain pour dire que non, tu dois marcher comme ça. Non, c'est pas comme ça. On doit s'exhorter mutuellement. Quand Dieu a dit qu'on fasse quelque chose d'après la Bible, il faut qu'on fasse d'après la Bible. Et le reste, on reste entre ses mains. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si quelqu'un dit qu'il a cru, qu'il parte au baptême, le reste, c'est entre lui et Dieu. Il doit grandir dans les enseignements. Quand les gens vont comprendre que les temps sont durs, laissez les gens. C'est pour ça que vous voyez, n'appelle pas quelqu'un, pourquoi tu ne viens pas à l'assemblée? Je n'ai pas le temps pour cela. Parce que s'il vient ici, quand vous venez là, c'est pas le problème. Après les lancements, on va dire que frère Junior, il y a tel problème. Or, si on était seulement deux, il devait dire que regarde, Matthieu dit ceci. Lis Psaume 119. Le temps qu'il lit, comme c'est long, il profite, il me couche, je dors. Mais il y a des gens qui sont sages, qui disent Psaume 119, ils vont me guetter comme ça, que Psaume 119, c'est le piège. Vous comprenez? Or, puisqu'il y a les gens, comme les gens aiment trop qu'il y ait beaucoup de monde. C'est comme dans mon quartier, il y a quelqu'un qui est passé, il est toujours avec la radio. Bon, grand campagne, l'imitation, c'est un problème. Même une petite maison comme ça, là, il prêche avec le haut palais, il bavarde dans la nuit, il dit, il y a quoi là-bas? On dit que non, c'est quelqu'un qui en a fait la campagne. J'étais curieux de passer, il voit là-bas. Ils ont aussi fait les trônes là-bas, ils ont mettre les bâches dehors. 4 personnes. Ils ont loué les voitures. J'ai revu sur la voiture, on a aimé là-bas, nuit du miracle instantané. Avec la photo du pasteur qui est resté comme ça. Vous pouvez réfléchir sur quoi, je ne sais pas. Parce qu'on a soif de voir les gens. Il faut seulement qu'on soit à la position que Dieu nous envoie. Si Dieu vous envoie, il vous accompagne. Amen. On est allé au Gabon. On a atterri au Gabon. Les policiers de la frontière ont dit qu'on n'entre pas. Tu es quoi? Il dit, il vient évangéliser. Il m'a regardé comme ça, il dit que tu es la bienvenue ici, vraiment bien. De 20h, ils ont pris le passeport. De 20h jusqu'à minuit, avant qu'on nous a laissé à l'aéroport. Ça nous le met dans une cellule. Il dit, monsieur, vous me faites entrer ici, pourquoi? Vous voulez m'enfermer? Il dit, non, monsieur, on ne vous enferme pas, vous voyez que c'est confortable ici. Alors, il dit, parce que si vous voulez m'enfermer, il devait appeler mon père. Il a dit, ton père, il est gabonais. Il demande si mon père est gabonais. Il dit, non, il n'est même pas gabonais. Il a de l'autorité. Il dit, ok, je vais voir ce qui va se passer ce soir-ci. Il monte en tractation, il descend, il parle avec le passeport entre les mains. Il dit, monsieur, vous posez une question. Oui, mon passeport a un problème? Non. notre entrée, c'est un problème. Non. Quel est votre problème? Il dit, pourquoi tu viens évangéliser? Enfin, à minuit, quand il a donné le passeport, il a dit que monsieur, entrez. Je t'interdis d'évangéliser. Quand tu entres là au Gabon, dors, mange, promène-toi, tu comprends? Il est regardé comme ça là. Il dit qu'on va mettre les patrouilles derrière toi, même chez le monsieur qui est venu te chercher là. On va surveiller pour voir si quelqu'un. Tu parles même. Tu es sur la table pour manger, tu parles même de Dieu comme ça, on va venir t'arrêter. Il dit, ok, je t'attends là-bas. Et on a crié là-bas pour chasser les démons. Viens même, n'est-ce pas? Voilà. Mais ils ne savent pas que l'inondation vient dans leur pays. Et ça vient un grand. Pourquoi? Parce que le peuple a besoin de délivrance. Quand c'est Dieu qui t'envoie, il fait ce qu'il a envie. Vous restez là-bas. Il bavarde, il bavarde, il bavarde. Vous savez ce que c'est? Il dit seulement que tu feras seulement ce qui a été décidé en haut. Point final. L'autre me dit que non, il dit qu'on va lui donner l'argent. Il donne l'argent. C'est pour moi qu'il travaille. Il doit attendre sa paye dans son état. Pas 5 francs, enfin, même 5 francs, il n'y en avait pas. Ça ne bouge pas, il ne bouge pas. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Les passeports, les pasteurs, même pour voyager, ils font des faux papiers. Il y a des passeports qui ont 3 passeports. Quand il voyage, il est dadi tel. Il arrive là-bas, il apporte tel. Les faux passeports. L'autre appelle de l'autre côté que, invite-moi comme un, si c'est un businessman. Il l'invite, il part là-bas. Il prend la main dans la poche, il fait comme ça là. Dieu les voit. Satan les voit. Leur conscience les voit. Dieu envoie quelqu'un pour prêcher un message. Derrière ce message, les gens naissent de nouveau. Amen. Quand on a prêché, s'il envoie, t'envoie quelque part, que dit quelque chose. Tu prêches, selon que tu en as prêché, prêche, quitte la scène. Le reste, il va faire ce qu'il va faire avec. L'autre m'a demandé en Côte d'Ivoire que quel style de message tu prêches pour vivre. Tu sais pas quel style de message. Il dit, je n'en ai pas. Il dit, pardon. Il dit, je n'en ai pas. L'autre m'a dit, je vais t'expliquer ma part de message. Il dit, oui, dis-moi. Que le lundi, je commence par la mère, l'église catholique. Parce que c'est elle qui a la mère. J'ai dit, hein, oui, je les dénonce. Je les dénonce, je les dénonce. Mardi, je passe au Pentecôte parce que ce sont ses filles. Yeah. Il dit que jeudi, maintenant, quand il les a tous descendus, il passe aux musulmans. Parce qu'ils ont aussi beaucoup de fidèles. Et vendredi, maintenant, il dit, maintenant, que faut-il faire? Il dit donc, c'est comprendre très bien. De lundi jusqu'à jeudi, personne n'est né de nouveau. Il dit oui. Donc Dieu profite son programme en fonction de ton programme. Il faut faire naître des gens chaque fois samedi. Donc si quelqu'un venait de nouveau, il vient chez toi le samedi. Samedi. Lui, à cet instant, il a compris que depuis des années, il faisait des erreurs. Depuis des années, il faisait des erreurs. Il dit, Dieu ne programme pas la nouvelle naissance. Son programme, c'est entre lui et lui. Tous, nous sommes ses marionnettes sur la terre. Ses sujets qui dirigent comme il le veut. La parole de vérité est portée par l'esprit. C'est ça qui est appelé Réma. C'est ça qui fait naître donc de nouveau. Et là, tu ne portes pas ça en toi. Parce que tu ne sais même pas ce qu'il faut faire. La parole que l'apôtre Pierre a prêché, que les gens naissent de nouveau. Ce n'est pas la même parole que l'apôtre Paul a prêché, que les gens naissent de nouveau. Vous comprenez cela? Vous allez lire dans Actes des Apôtres, chapitre. Allons-y là-bas. Chapitre 17. Lisez-moi le verset 30 en descendant. Et puis j'en finis avec ce sujet. Donc, c'est de. Ces choses-là, que si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus, il faut confesser maintenant le Seigneur Jésus de ta bouche. Ok, quand tu confesses, au moins de ta bouche, tu sais que tu as confessé. Et ton cœur, tu as vraiment cru. Oh, la Bible déclare que ton cœur, propre cœur peut te décevoir. Que ton cœur est tortueux et méchant. Que toi-même, tu ne peux même pas connaître. Actes des Apôtres, chapitre 17, lis verset 30, à partir du verset 30, mon cher, rapidement. Écoutez ce qui va arriver. Dieu s'en tenait compte de tant d'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu. Plus courage. Continue. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce don il a donné à tous une preuve. Certaines en leur ressuscitant des morts. Mmh. Lorsqu'il entendit parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent : nous entendons là-dessus une autre fois. Mmh. Donc eux, ils ont arrêté la prédication, n'est-ce pas ? Mmh. Allons-y. Ainsi, Paul se retira du milieu de quelques-uns. Du milieu de, il y a un point. Du milieu de. Mmh. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Vous avez souligné cru. Oui. Denis Lario. Denis Lario. Aliphagis. Une femme nommée Damaris Et autres avec eux. Remarquez très attentivement comment la prédication ne sait même pas. C'est eux qui ont arrêté la prédication. On l'a pris, on l'a mis devant à l'aéroport un peu plus haut là-bas. On a dit que, ok, tu bavardes depuis, si on ne comprend pas, tu nous embrouilles. Dis-nous ce que tu veux dire. Chacun était touché à la barbe comme ça, il tapait le pied. Vous savez, c'est le philosophe. Donc, quand tu parles n'importe quoi, on analyse que le contexte, si le mot, ça veut dire qu'il veut parler, dit quoi. Sont les discoureurs. Alors, c'est là-bas, il dit que le Dieu qui a fait les cieux, il a dit que je me suis promené. Voilà sa prédication qui commence comme ça. Voilà sa prédication. Il dit que je me suis promené dans votre vie. J'ai vu que les objets de votre dévotion, j'ai vu même un stèle là-bas, un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans connaître, c'est ce que j'annonce. Voilà la prédication. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le monde et tout ce qui se trouve, n'habite point par les mains dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui produit le mouvement et l'air. C'est ce qu'on dit quelques-uns de vos prophètes. Il a cité les philosophes pour les flatter. Quand il a dit les prophètes, on dit, hey, le gars la connaît. Hein? Il ne sait pas qu'il les amène seulement. Alors, quand il les amène maintenant, il dit que ce Dieu-là, maintenant, il a ressuscité quelqu'un. Il a dit que c'est pas même quelqu'un qui l'a ressuscité qui va juger les gens. Quand les gens ont une résurrection des morts, on dit que, okay, on te voyait venir depuis. Il fallait dire ça depuis. On comprend que la prédication s'arrête. La Bible déclare. Quand ils sont partis comme ça, quelques-uns. Donc, ça veut dire que ceux qui ont entendu, pendant que d'autres se détachaient, d'autres ont cru. Paul les a fait répéter quelque chose. Le Saint-Esprit nous donne le renseignement qu'ils s'attachaient à Paul et cru. Donc, quand ils ont quitté la foule, l'apôtre Paul partait, ils étaient derrière lui. Que ton message nous a touchés. Là, les voleurs, ils se sont attachés à l'apôtre Paul. Ils cru. On cite là-bas l'aéropagite. Ça veut dire qu'un grand contrôleur là-bas dans l'aéropagite, donc c'est celui qui annonce les places pour les genoux. Le voilà qui a cru. Est-ce que vous avez vu quelque part un endroit l'apôtre Paul s'est arrêté? Vous dites que confessez Jésus-Christ qui reçoit ici. Yeah. Quelqu'un a dit que dans ton cœur, tu es sûr que tu as reçu. Mets ta main sur. Vous avez vu cela? Yeah. La prédication s'est arrêtée là-bas. Mais le Saint-Esprit nous donne le renseignement que quelques-uns ont cru. Ont cru à quoi? Je pose la question. L'apôtre Paul a-t-il expliqué que au temps de Noé, il y avait un arche. L'esprit humain est comme ça là. Il a fait les projections pendant 4 heures. Que l'évangile du salut vous parle. Qu'il faut écouter l'évangile pendant 4 heures de temps. Il faut qu'on t'explique. Quand on t'explique bien ça, tu comprends. Quand tu comprends tout cela, tu comprends que le grand prêtre devait entrer avec le sang, il sort avec le thé, il verse ça dehors. Tu es sauvé. Il a dit ça aussi. Non. Quand quelqu'un dit, tu dois naître de nouveau. De la façon de la Bible. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des questions? Oui, mon cher. Donc si je comprends ce qui s'est passé, c'est un peu comme ce disant qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc ce sont des brebis à lui perdu, ils viennent pour eux, ils les prennent, ils les ramènent. Il va plus loin en disant que prenez garde de la façon que vous traitez un de ces petits parce que leurs anges voient continuellement la face de mon père. Il dit, et même, il n'est pas de la volonté de mon père qu'un seul de ces petits s'égare. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il perde un seul de ces petits. L'être humain sur la terre pour dire que les enfants de Dieu périssent. Jésus dit que Dieu a dit que ce n'est pas sa volonté, qu'aucun ne périra. Et il dit plus là, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Vous voyez cela? Le Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne les arrache des mains de mon Père. Quelqu'un sur la terre, il ne connaît plus que Jésus. Que sortons alors évangéliser. Il y a des âmes qui périssent dehors. Lesquelles âmes périssent? Christ est allé à la croix. Souvenez-vous que l'Apocalypse chapitre 5 nous révèle qu'il y avait un livre qui était écrit scellé de 7 sceaux. Et personne n'était digne de toucher, d'ouvrir même ce livre-là. Mais quand il s'est levé là-bas, quand Jean a pleuré parce qu'il savait qu'on était fichu, le vieillard lui a dit, ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Il s'appelle le pape. Hein? Dans ce cas, pourquoi on lui baise la main alors? Il s'appelle Marie, l'Immaculée Conception. Il s'appelle l'ange Gabriel. Le père Joseph, père de famille. Vous avez trouvé là-bas? Il dit le lion de la tribu de Judas a vaincu. Quand il s'est retourné, il a vu un gros lion avec la crinière. Il a vu quoi, frère? L'agneau. Le vieil lui a dit, ne pleure pas. Parce que le lion de la tribu de Judas a vaincu. Il est digne pour ouvrir le livre. Vous savez ce qu'il en est? Le livre de la rédemption. Il va réclamer pour lui quiconque a le nom écrit là-dedans. Il a vaincu son sang. Donc, comme il est venu, il a vu son sang, il peut prendre maintenant. Le droit de rachat. Le droit de rachat. Il rachète, c'est pour lui. Vous savez ça, n'est-ce pas? Boaz peut prendre maintenant effectivement Ruth pour lui. Ruth est entrée à la maison, pas vrai? L'église est entrée de toutes les façons. le droit de rachat. Des questions, frère? Oui, mon cher Anon. Oui, frère, le verset qui joue là s'interpose on est plus fou. Il dit que le verset a fait quoi, mon cher, mon cher? Il dit dans sa Bible, on a bien écrit que ça t'impose, ça t'impose, ça s'interpose, ça rend son enflammement flou. Alors, il dit que le verset, qui te disait que le Seigneur lui prend la peine de mettre sa parole, et puis le Saint-Esprit par la suite vient sceller cette parole-là. Bon, il met la parole comment? Et nous devenons ensuite un peu comme le vent. Le Seigneur va dire le vent souffle où il veut. Donne-moi l'exemple d'un chrétien qui est comme le vent dans la Bible. Donne-moi un. Non, c'est Jésus qui a dit non. Hein? L'image, non. Il a dit, quand il a fini de donner cette image, il a dit que tels sont les gens qui sont nés de l'esprit. C'est pas ça? Oui. Donne-moi un exemple. En fait, le Seigneur voulait dire que ces personnes sont d'une autre nature. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Tu comprends ce qu'il dit, frère? Il dit quoi au juste? Il fait comme ça que le Saint-Esprit, qu'il vole comme la colombe. Écoutez, le Saint-Esprit n'est pas la colombe. C'est-à-dire quoi? C'est la mouvance, ça dit quoi? Ils sont imprégnés. Imprégnés, c'est-à-dire quoi encore? Donc quand le vent passe, il fait quoi? Jésus a bien dit, le vent souffle. Tu vois seulement ses effets. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il... Il voit, il dit, tels sont les gens qui sont nés de cet esprit, n'est-ce pas? Donne-moi un exemple de quelqu'un dans la Bible, pour qu'on comprenne ce que lui a dit, là-bas. Vous savez, le Saint-Esprit, quand ce Saint-Esprit-là, quand il est dans l'église catholique aujourd'hui, là, il est entré dans le cachet, là, là-bas derrière la boîte. On sait exactement comment la liturgie doit être arrangée. Cette façon, on a maîtrisé le vent. Donc, on sait quand le vent, lorsque le vent part. Comment le vent va sortir, c'est pas la fenêtre, c'est pas la truc. On sait, chez l'Église catholique et tous les autres trucs à couler. C'est-à-dire quoi, 10h, le culte commence à 10h, ça finit à 10h30. 10h, 10h15, louange. 10h15, 10h45. Beaucoup d'adoration. C'est quel moment ça? C'est le moment qu'on fait le bruit. 10h45 maintenant, et puis 10h45, une minute, moment des offrandes. Après une minute maintenant, prédication, 15 minutes, parce que si tu dépasses 45, les gens ne comprennent plus. Voilà le vent de l'esprit. Je m'appuie un peu de l'examen du Seigneur, en fait, de l'examen des disciples. Oui. Le Seigneur a quand même pris 3 ans et demi. Mm-hmm. Il a compris des disciples, il a pris le temps de les enseigner, de placer la parole. Oui. Si tu prends cet exemple, il n'est pas l'enseignement de l'apôtre Paul. Il a pris combien de temps pour lui? L'apôtre Paul, en quittant Jérusalem pour Damas, il prêchait la doctrine des pharisiens, non? Le troisième jour, il prêchait quoi dans la synagogue? Que Jésus-Christ était? Jésus était le. Il a pris ça où? Dis-nous, tu prends l'exemple qu'il a pris 3 ans pour former ceux-là. L'apôtre Paul, il a pris combien? On me dit que bon, l'apôtre Paul, lui, c'est une personne d'une autre nature, c'est pas un simple frère comme tout le monde. Il dit que l'apôtre Paul, là, c'est quelqu'un de simple. Je dis la manière dont le Seigneur s'y prend avec ses élus, c'est peut-être différent. Donc les autres apôtres là, ils ne sont pas les élus. Non, mais dis avec nous autres. Donc ça veut dire qu'il les a traités différemment. L'apôtre de Jean a dit qu'Élie était quelqu'un de la même nature que nous. En tout cas, quand toi tu prenais ceci, le tout problème de nouvelle naissance là, toi tu disais que le Seigneur met sa parole en nous, après il imprimer son esprit. Qu'est-ce que tu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Seigneur, il prend la peine d'abord. Un sourd peut-il naître de nouveau? Comment donc il fait entrer sa parole? À ses manières à lui. Que Dieu vraiment vous bénisse. Vous avez compris la parole. Laissons ce qui concerne Dieu à Dieu. Amen. Faisons ce que nous avons à. Si tu es né de nouveau, c'est que ton problème est réglé. Continue seulement dans la voie. Ne cherche pas que pourquoi quelqu'un n'est pas né de nouveau. On dit que c'est par grâce. Tu ne dois pas forcer Dieu à appeler quelqu'un par grâce. Non, Seigneur, tu as dit que crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc c'est ta famille qui va commencer. Priez comme ça, vous allez voir, vous allez maigrir. Priez au Seigneur, le sorcier. Tu pries, tu donnes encore le couche de nuit. Tu dis comment il est pris, il met aïe comme ça là. Quand tu vas comprendre que, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, tu vas savoir de quoi il est question. Vous avez vu que le geôlier a prié, Seigneur, sauve-moi et toute ma famille. Hein? Mm-hmm. On lui a dit, crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois et tu seras sauvé et toute ta famille. Crois et tu seras sauvé et toute ta famille. Pas tout le monde croyez et vous serez sauvé avec toutes vos familles. C'est que personne ne sera perdu sur la terre. Si toi tu es sauvé, toute ta famille est sauvée, tout le monde, dans chaque famille il y a des croyants. C'est finalement aucune famille ne se perdra. N'est-ce pas, frère? Des questions? Oui, mon cher. Frère, bon, je veux arriver à la conclusion si, par la grâce de Dieu, si j'ai bien compris. Si un prédicateur n'a pas été envoyé, il faut arrêter. Même Judas a été envoyé, c'est pour ça qu'il pouvait sauver les gens. Même Judas Iscariote était envoyé. On dit il choisit les 12 disciples qu'il les appelait apôtres. Il les envoyait avec pouvoir. Donc Judas avait reçu l'apostolat. Judas n'était pas un faux apôtre, c'était un vrai apôtre. Il était seulement faux en intrinsèque. Donc les faux apôtres, les faux peuvent te mettre sur le chemin de Jésus. Ils ne peuvent pas porter le réma. Il va porter, comment il va porter? N'avez-vous jamais vu un païen, vous en déconnez un païen comme ça, il dit ok, toi tu dis que pour vous, histoires de Dieu là, pourquoi il était vu en train de boire l'autre jour, non? Qui est en train de parler de ça dans sa bouche? Quand il dit comme ça, ta bouche se ferme, non? Quand tu rentres, tu crois que le gars là m'a quand même dit la vérité, quand même la vérité qu'il m'a dit. Un jour tu lui dis que, tu sais, là maintenant tu dis que ok, dans sa nuit le païen me surveille. Il me voit plus, il va encore me voir dans le bar là. C'est Dieu qui te fait les reproches. Souvenez-vous de un roi chapitre 13, le vieux prophète et le jeune prophète. Viens! Qui t'a dit que tu es né quand mon ami, tu es allé à l'école du prophète, viens manger ici, dit que Dieu m'a dit. Pendant qu'elle ne mangeait, le Seigneur passe par lui, par cette même bouche qui lui a dit viens. Il incite par l'Éternel, je t'avais dit de ne pas manger, de ne pas rentrer par le chemin. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Par la même bouche, pour lui communiquer la sentence. Des questions? Quand vous lisez la Bible, vérifiez ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire de la bonne façon que vous devez faire. Et après que vous avez fait ça, vous dites, Seigneur, j'ai fait au mieux de ma connaissance. N'allez pas commencer à chercher que Dieu a accroché la lune sur quoi? Qu'est-ce qui suspend la terre? Laissez ça au Newton et à Isaac avec les Chimay et les Papatan et tous les autres, ses acolytes. Laissez-les ça. Dans la Bible, allez dans la Bible en demandant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Comment je dois marcher pour te plaire? Comment je dois marcher pour te plaire jour après jour, comme ça. Tiens-moi par la main. Sans toi, je ne suis rien. Si je ne suis pas là, je vais tomber. C'est ça qui vous nous concerne. Parce que tu connais que la lumière, ça brille parce qu'on appuie sur l'interrupteur. Ça ne fait absolument rien par rapport à ton salut. Cherchez ce qui va vous faire avancer avec le Seigneur et maintenir votre cohésion et votre relation avec lui. Des questions? Paul, apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus. Vous parlez des Écritures. Pour la foi des élus. Donc quand il prêche, il sait qu'il a de chercher les élus. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on prie. Souvenez-vous de prier pour le Cameroun. Cette contestation qui sont là pour braver le pouvoir étatique. Où est-ce que ça va nous amener? Nous sommes au Cantime aujourd'hui. 26 novembre. Vous avez acheté les riz, frère. Même si ça prend de manger, acheter. Acheter les riz. Acheter le tapioca. La saison s'est changée de venir, même si ça prend des moisissures séchées. Jusqu'à quand? Baissons la tête, prions donc. S'il y a plus de questions. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour tes instructions. Merci pour notre pays, Père de gloire. Merci pour ce voile que tu ôtes sur l'Afrique. Merci, Père de gloire, pour ce sable que tu jettes, au Dieu de gloire, dans les chaussures des grands de ce monde-ci. Tu t'effraies le chemin, Père de gloire, afin que tous les continents connaissent que Jésus-Christ est Seigneur. Tu prépares ton épouse, Père de gloire, de par le continent et de par le monde. Merci, Père de gloire, pour tous ceux-là donc qui se posent la question. À l'heure où tu as dit, l'angoisse sera au milieu des nations au point où ils ne sauront pas de ce qui arrivera de la terre et en train de s'approcher d'eux. Merci Père de gloire, pour nous qui sommes de la lumière, tu nous donnes de veiller et de tenir ferme parce que le moment vient où on ne pourra ni dire si c'est le jour ou la nuit. Donne-nous de veiller effectivement Père de gloire, de tenir ferme dans ces voies-là. Donne-nous de tenir ferme dans la voie du ressuscité. Donne-nous de comprendre, oh Dieu de gloire, qu'il n'y a rien de plus important à cette heure-ci Père de gloire que de marcher avec toi. et de marcher effectivement et dans l'entière soumission à ta parole. Je prie pour ceux-ci, ô Dieu de gloire, et pour tous ceux qui écoutent cette voix-là partout dans le monde entier. Je prie que tu leur donnes de saisir ces choses-ci. Toutes ces femmes, ô Dieu de gloire, dans le monde entier qui méprisent l'autorité de leur mari et se soumettent à l'autorité satanique, ces lois sataniques qui leur ont donné le pouvoir sur les hommes. Je prie que tu leur donnes d'accepter ce brisement, ô Père, et de revenir à toi. Que toute la gloire te revienne et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen.